never switched up. And I never kissed up to the world and I got my dick. Try to say I'm too wild. Did my own thing, so the cool crowd. Late nights with the music too loud. I made it this far and I'm honestly too proud. So if you don't like me, cause I'm in there, I might be. I was raised in the land of hyphy. The world a little different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please fuck off, I don't need you by me. But if you search and you know where to find me. Don't wanna hang around the in crowd. The cool kids aren't cool to me. They're not cooler than we are. We brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, leave us alone. Cause we don't need your policies. We have no apologies for being. Find me where the wild is. Oh my, alright. Don't mind us. Find me where the wild is. Oh my, just find me. Don't mind us. Find me where the wild. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Bonjour à vous, ça y est, c'est le 1er juillet, le premier jour du mois de l'été. On pense aux vacances, on va se faire du bien les enfants. Nous sommes le vendredi 1er juillet, donc il est 6h. Bienvenue. Fun. Fun Radio. Fun. Et toute l'actualité, c'est avec Jean-François pour commencer cette émission. Bonjour Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. L'ADN de Jawad Ben Daoud, dit Jawad le logeur, a été retrouvé par les experts sur le composant d'un gilet explosif utilisé par un des membres du commando du 13 novembre. C'est ce que rapporte TF1 qui a pu consulter un rapport de la sous-direction antiterroriste remis au juge d'instruction en charge de l'enquête. Le gilet aurait été utilisé par l'un des membres du commando du 13 novembre lors d'un assaut du raid, 5 jours après les attentats dans son appartement. Il n'est cependant pas possible actuellement de démontrer les conditions précises dans lesquelles l'ADN de celui qu'on appelle le logeur s'est retrouvé sur les rubans. L'un des auteurs du triple attentat suicide survenu à Istanbul mardi aurait été arrêté en 2011 en Bulgarie. Selon la télévision d'État Sofia, il s'agirait d'un ressortissant d'origine russe. L'homme aurait été arrêté à la frontière bulgaro-turque à la demande de la Russie alors qu'il voulait quitter la Bulgarie. Il n'aurait cependant pas été livré à la Russie parce qu'il avait obtenu l'asile en Autriche en 2003. La justice bulgare avait alors refusé de l'extrader vers la Russie. Moscou n'a jusqu'ici pas confirmé que l'un des auteurs des attentats est un ressortissant russe, contrairement à ce que les autorités turques prétendent. Chez nous, les festivaliers sont nombreux à fustiger l'organisation de Rock Werther sur les réseaux sociaux. En cause, les files interminables pour atteindre les parkings qui leur ont fait rater l'ouverture du festival. Et le manque de communication concernant les places de camping restantes. Il reste encore des places de camping, même si certains campings sont restés fermés en raison des intempéries. Le bourgmestre appelle par ailleurs les festivaliers qui ne logent pas sur place à laisser leur voiture sur le parking C du Ezel ou à proximité de la sortie As Road, à hauteur de la caserne d'Everley ou du Brabantal, sur la E40, pour prendre ensuite des transports en commun. La société Delaine a ainsi déjà transporté 1800 festivaliers depuis ses 2 points de ralliement et plus de 22 500 depuis la guerre de Louvain. La police fédérale déconseille aux supporters des Diables Rouges de se rendre à Lille aujourd'hui avant le match contre le Pays de Galles et les encourage plutôt à le regarder en Belgique. La fan zone de Lille peut accueillir environ 20 000 spectateurs, mais la métropole en attend bien plus. On ignore le nombre précis de Belges qui feront le trajet jusqu'à Lille en marge du match qui opposera les Diables au Pays de Galles ce soir. Mais on parle de plus de 150 000 supporters belges. Des supporters qui devront en outre tenir compte d'importantes files d'attente, étant donné que les mesures de sécurité qui ont été prises dans la foulée des attentats de Paris prévalent également dans la métropole lilloise. Les Diables Rouges jouent donc ce soir à 21h à Lille en quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. Marc Wilmots a quelques soucis à se faire au moment de coucher sur papier l'équipe qui entamera le match. Outre la suspension de Thomas Vermaelen, le sélectionneur fédéral devra se passer de Jan Vertonghen, blessé à la cheville et pour qui l'Euro est sans doute terminé. C'est donc avec une défense de nouveau remaniée que les Diables aborderont cette rencontre face aux Gallois. S'ils s'imposent ce soir, les Belges joueront en demi-finale mercredi prochain face au Portugal. Les Portugais se sont en effet qualifiés hier soir aux dépens des Polonais et qu'ils ont battu au tir au but. Nous allons terminer par la météo, Jean-François, pour ce premier jour du mois de juillet. Qu'est-ce qui nous attend du côté de la Belgique, puisque nous sommes en direct du sud-ouest de la France, en direct du club Bellambra de Seignos. Les nuages vont continuer à dominer le ciel et les averses vont persister. Les maximums oscilleront entre 17 et 20 degrés. La pluie et les nuages seront toujours présents demain. Dimanche, le soleil fera enfin son retour avant une augmentation de la nébulosité dans le courant l'après-midi. Et puis, sachez aussi que lundi et mardi, le temps sera généralement sec et le mercure atteindra 22 degrés. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Bon début de journée avec Evan et la tribu en direct de Seignos. Et tout de suite, c'est Face et Afrojack sur Fun Radio. Fun Radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you won't? You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey, hey. I said, il est 6h07 sur Fun Radio, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er juillet, le premier jour du mois Ourgvland, le premier jour du mois où on est en vacances et on vous dit bonjour. L'équipe est là ce matin au taquet pour la dernière émission de la saison avant les vacances officielles qui commencent tout à l'heure juste après 9h. On va saluer tout le monde, à commencer par Allez Justine, qui a eu une bonne nouvelle hier, qui a été diplômée hier. Bonjour Justine. Hello tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça sincèrement, va. Sincèrement. Ça va pas. Pourquoi ça va pas? J'ai besoin d'une aspirine. Alors, aspirine, on va essayer de trouver ça puisque Justine a fêté dignement, vraiment comme une montoise, le diplôme qu'elle a eu hier. T'as été diplômée avec distinction, c'est ça? C'est ça. Ça change rien jusque ses classes. Quoi. Oui, voilà. Donc, ok. Et t'as échoué quelque part ou pas du tout? T'as tout a été très bon? Non, j'ai eu un échec, j'ai eu 9 sur 20 en compta. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Donc, pas de TVA, rien, tout ça. C'est pas non, ton truc. Non, ça, hein. J'aime pas les maths. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, t'es diplômée en quoi, qu'on comprenne? En communication. Communication, voilà, félicitations Madoudou pour ce diplôme. Vous avez besoin de quelqu'un qui fait votre pub, votre com, je suis là. Eh bien n'hésitez pas, hein, SMS 3044 si vous voulez contacter Justine qui en fait va chercher un petit peu de boulot là, pendant les vacances. Tout simplement pour essayer d'arrondir un petit peu les fins de mois, puisque nous on s'arrête, on part en vacances. Sœur Cali du Jambon est là, bonjour Sœur Cali du Jambon. Salut Evan, salut tout le monde. Oh, alors, la voix va beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Eh bien, un tout grand merci à Bruno, notre druide ici, c'est pas Panoramix, il m'a concocté un cocktail, il m'a dit dans une heure tu reprends ta voix. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'il a mis dans ce cocktail qui permet de retrouver une voix? Eh bien, il a pris des morceaux de citron, du jus de citron, du miel, des abeilles. Il a pilé des abeilles, c'est horrible, ça se fait pas sur les animaux. Et du thé citron. Et donc tu laisses infuser. Je te jure, j'en ai pris 5 d'affilée. Bon, c'est pas complètement revenu ta voix. Non, mais ça va, là maintenant, tu vois, hier j'avais du mal, je devais vraiment pousser la voix pour qu'on entende. Là ça va, c'est un petit pousser peu. Pousser la voix. Ouais, casser la voix. Pousser la voix. Bon, en tout cas, on est ravis que ça aille beaucoup mieux. Merci à Bruno. Ici, on est en direct du Club Bellambra. Les Tuquets, c'est du côté de Seignos, dans le sud-ouest de la France. On a encore essayé des trucs géniaux hier, on vous expliquera tout au fur et à mesure de l'émission. Jean-François, à l'info, la météo est là. Jean-François qui n'a pas beaucoup dormi, mais qui est en pleine forme ce matin. Bonjour Jean-François. Tout à fait, en pleine forme. T'es couché à quelle heure toi? 2h, c'est ça? Non, il était 1h du matin. Ouais, bah bon, on a discuté tranquillos avec Khalid, et donc voilà. Quand tu te lèves à 5h et que tu te couches à 1h, de toute façon, ça reste une petite nuit, on est d'accord. Tout à fait. Lloyd qui est avec nous également, qui va réaliser cette dernière émission de la saison. Bonjour mon Lloyd. Bonjour Evan. Avec ou sans écureuil ce matin? Sans écureuil. Oh, mais je voulais que tu la fasses venir. C'est un petit garçon et à cette heure-ci, il dort encore. Il fait ses nuits, hein, de 20h de 20h à 7h du matin. Ouais. Il est propre, il fait caca où il faut. Il fait caca tout sauf dans la cage en fait. D'accord, donc il est bien élevé, c'est ça? Exactement. Il dit bonjour, il dit au revoir, il mouche son nez, il commence à faire ses devoirs, c'est l'écureuil de Lloyd. C'est un petit peu notre mascotte ici à Fun Radio. Alors avant 6h30, on va se faire l'horoscope, un horoscope un petit peu spécial, Justine. Oui, on saura si vous êtes un bon coup pour l'été ou pas. Oh. Ah bah on a hâte de savoir en tout cas. On n'a pas un tiens kiwi. Oui. David Guetta arrive avec Zara Larsson dans un instant. On parlera évidemment du match hier qui a qualifié le Portugal pour les demi-finales. Il y aura également de Julian Peretta avec iCry sur Fun Radio. Et dans un instant, le son de Florida. Je voudrais dire bonjour aussi à notre Sandro National qui est là ce matin. Je sais pas quel est son micro. C'est le 3, le 3. Le 3. 3. Oh, il fonctionne bien, les gars. Ben oui. Comment vous allez-vous? Magnifiquement bien. Ben et toi, alors surtout à toi, t'arrives encore en poncho ce matin, genre El Gringo. Ben oui, en fait, le matin, 5h du mat', il fait quand même un tout petit peu frais ici à Seignos. Ouais, près de l'Atlantique, c'est vrai. Hein. Voilà, c'est top et je vais très bien. Bon, qu'est-ce que tu as fait hier soir, toi pour, tu as fêté le diplôme de Justine? Ben oui, on a fêté le diplôme de Justine et puis j'étais dormir. Voilà. Bon, en tout cas, on est content d'être avec vous ce matin. On a plein de surprises pour cette dernière de la saison avant les vacances officielles la semaine prochaine. C'est Anto qui se lèvera à notre place avec une nouvelle équipe qui vous accompagnera tout l'été. On va se faire le son de Florida maintenant et revenir juste derrière, notamment pour parler du match hier du Portugal, coup classé du demi-finale du Stringo de Fiouche. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. Sur Fun Radio, du son dance floor et de la déconne tous les matins. On est là, c'est Evan avec toute ma tribu. Dernière émission avant les vacances, dernière banane de 6h15, c'est celle que je viens de prendre il y a quelques instants. On va parler un petit peu, tiens, de ce que vous mangiez, de ce que vous mangez le matin quand on se lève tôt comme nous, hein, aux alentours de 4h45, 5h. Khalid, à part la période de Ramadan, toi tu mangeais pendant l'émission? Ah, toujours du sucré. J'ai besoin de glucose, j'ai besoin de force. Pendant et après l'émission? Tout le temps, quoi, finalement. Toujours en permanence. Non, mais c'est vrai qu'on était content que le Ramadan arrive parce que du coup, il nous restait un petit peu de petit déjeuner pour nous. Parce que l'un des symptômes de Khalid, dont on a souvent parlé et qui est vrai, c'est que ça a toujours été le premier d'entre nous à se précipiter. Oh là là, bien cette phrase. À se précipiter sur le moindre petit déjeuner qui arrive, soit de la part d'un boulanger, soit de la part d'un auditeur. Et dès qu'il y avait un truc qui arrivait, le premier à sortir du studio, c'était toujours toi. Non, je suis désolé, hein, je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue, faut bien que j'ai un vice, la gourmandise. Oui, et surtout ne pas en laisser aux autres après. Hein, ah, c'est ça, c'est un autre vice, mais bon, ça c'est culturel. En tout cas, ouais, moi, ça me rappelle de ça pendant ces saisons matinales. C'est vraiment le Khalid se précipitant, le premier toujours sur les pains au chocolat, les cookies, les croissants, etc., etc. Alors justement, à propos de petit déj gratos, il y aura le dernier petit déj de la saison qui vous sera offert tout à l'heure. Ce sera à partir de 7h15. On vous donnera l'adresse dans un peu moins d'une heure. On va se faire le son de David Guetta. Et puis juste après, un héroscope spécial, Justine. Il sera question de quoi? De savoir si vous êtes un bon coup, si vous allez pécho cet été. Voilà, David Guetta, this one for you sur Fun. Qui vont prendre cher. bienvenue sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est la dernière ligne droite avant les vacances en direct du club Bellandra les Tuquets. Nous sommes du côté de Seignos dans le sud-ouest de la France. Et on lit tous vos messages comme chaque matin. Vous nous les envoyez par SMS au 3044 sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Également sur le Snapchat de l'émission Evan et la Tribu. D'ailleurs, on a beaucoup alimenté le Snapchat hier soir sur notre soirée de festivités autour du diplôme de Justine. Donc si vous avez envie de mater tout ça, le Snapchat de l'émission, c'est Evan et la Tribu. On a bien mis ça sur celui d'Evan et la Tribu hier. Je comprends pas. Hein. Oui, et d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai Snapchaté beaucoup, mais je savais même pas si c'était sur le nôtre. Quoi. Oui, si, je vais aller voir ce que ça donne d'ailleurs. D'accord. Et tu voulais dire quoi? Non, rien. Ça c'est bien, d'accord. pour le son Dance Floor, dans un instant, Julianne Peretta va arriver juste avant les infos de 6h30. Voici l'horoscope de l'amour et de l'amitié, mais particulièrement avant de partir en vacances, Justine, c'est un horoscope qui parle de quoi ? C'est un horoscope en fait qui va dire si vous êtes un bon coup ou pas. Ah, j'ai hâte de savoir en ce qui me concerne, même si je pense déjà avoir la réponse. Bélier. Pas vraiment, non. Comment dire ? Vous êtes rapide, très rapide. Tout simplement. Taureau. Vous êtes un amant formidable, doux, attentionné, endurant, performant. Quelle coïncidence, c'est mon signe. Gémeaux. Vous avez l'air d'être un assez bon coup, aucun de vos partenaires ne s'est encore plaint. En même temps, vous avez déjà vu une main qui parle. Jean-François, t'es quel signe toi déjà? Verseau, moi. Les Verseaux, donc on va voir ça dans quelques instants. Les cancers. Vous, un bon coup, dans certains pays, coucher avec vous, c'est considéré comme de la torture. Lion. Votre dernier partenaire s'est endormi pendant l'acte la dernière fois. Ça répond à votre question. Vierge. Ce qui est bien avec vous, c'est que vos partenaires ont le temps pendant l'acte d'aller faire à souper, terminer la vaisselle, regarder une série. Vous pensez vraiment être un bon coup. Les balances. On ne sait pas dire pour savoir si vous êtes un bon coup. Faudrait qu'un de vos partenaires ne soit pas en plastique. Les scorpions. Alors là, ça concerne deux d'entre nous. Comment va se passer notre été puisque Khalid et moi sommes scorpions. Alors, et Lloyd aussi. Vous, un bon coup, et c'est une blague. Vos partenaires ont déjà eu plus de plaisir après une visite chez le médecin. Sympa. Sagittaire. Vous êtes quelqu'un de super attentionné au lit et toutes vos partenaires sont repartis avec un souvenir. Champignon, herpès, quelque chose. Oh. Capricorne. On vous dira si vous êtes un bon coup dès que vous aurez eu un rapport. Verseau. Alors ça c'est toi, hein. C'est Jean-François, allons-y. Alors généralement, vos partenaires préfèrent regarder Joséphine Ange Gardien à la télé plutôt que de coucher avec vous. Bon été Jean-François. Les poissons pour terminer. Vous êtes tous sauf un bon coup, mais voyez le côté positif. Vous êtes doué en bricolage et c'est cool le bricolage. Et ben voilà, j'espère que ça vous a donné l'envie de bien vous comporter en vacances côté bon coup, côté coup tout simplement. Mais n'oubliez pas de vous préserver, de mettre toujours des petits capuchons, c'est important. 6h24 sur Fun Radio. On envoie le son de Julianne Peretta dans un instant. Les infos, la météo pour aller jusqu'à 6h30. C'est parti. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Les plus grands DJs de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumé Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJs mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Oh, un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien ça. Et une nouvelle robe ? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un smartphone Samsung Galaxy S5 Neo d'une valeur de 399€ à 299€ seulement. Rendez-vous vite dans nos magasins et même ce dimanche 3 juillet ou sur mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Ce dimanche, Ikea, Willerijk, Onyul et Mons sont ouverts de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be.

Radio, il est 6h30, nous sommes en direct jusqu'à un peu plus de 9h du club Bellambra Seignos. Avec vous toutes, vous tous, vos messages, on va les lire dans quelques instants. Et on va faire avant 7h un action ou vérité avec toute l'équipe. Et donc il y aura un choix entre répondre à une question que je vais poser à un membre de l'équipe, l'équipe pourra me poser bien évidemment, ou alors faire une action si on ne veut pas dire la vérité, ok? Donc on va voir, on va tester Justine. En premier, non, pas maintenant. On va d'abord y avoir les infos. Ensuite, il y aura un petit peu la météo. C'est qu'elle va passer à la casserole. Ensuite, il y aura du son dance floor. Voilà, il y aura Jit Scott qui va arriver, notamment. Et puis, on fera juste après donc action ou vérité. Et si vous-même vous avez des questions à nous poser, SMS 3044, action ou vérité dans un instant. Juste avant 7h pour la dernière avant les vacances. Evan, c'est la tribu, c'est Fun Radio. Bonjour à vous, c'est vendredi aujourd'hui. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio et bon réveil à tous. Il est 6h31, toute l'actualité de ce vendredi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. L'un des auteurs du triple attentat suicide survenu à Istanbul mardi aurait été arrêté en 2011 en Bulgarie, selon la télévision d'État Sofia. Il s'agirait d'un ressortissant russe. L'homme aurait été arrêté à la frontière bulgaro-turque à la demande de la Russie. Alors qu'il voulait quitter la Bulgarie, il n'aurait cependant pas été livré à la Russie parce qu'il avait obtenu l'asile en Autriche en 2003. La justice bulgare avait alors refusé de l'extrader vers la Russie. Moscou n'a jusqu'ici pas confirmé que l'un des auteurs des attentats est un ressortissant russe, contrairement à ce que les autorités turques prétendent. Les festivaliers sont nombreux à fustiger l'organisation de Rockwerther sur les réseaux sociaux. En cause, les files interminables pour atteindre les parkings qui leur ont fait rater l'ouverture du festival et le manque de communication concernant les places de camping restantes. Il reste encore bel et bien des places de camping, même si certains campings sont restés fermés en raison des intempéries. Les festivaliers qui ne logent pas sur place sont invités à laisser leur voiture sur le parking C du Ezel ou à proximité de la sortie Asrode pour prendre les transports en commun. La société Delaine a ainsi déjà transporté 1800 festivaliers depuis ces deux points de ralliement et plus de 22 500 depuis la guerre de Louvain. La police fédérale déconseille aux supporters des Diables Rouges de se rendre à Lille aujourd'hui avant le match contre le Pays de Galles et les encourage plutôt à le regarder en Belgique. La fan zone de Lille peut accueillir 20 000 spectateurs, mais la métropole en attend bien plus. On ignore le nombre précis de Belges qui feront le trajet jusqu'à Lille en marge du match qui opposera les Diables Rouges au Pays de Galles ce soir. Mais on parle de plus de 150 000 supporters belges. Des supporters qui devront en outre tenir compte d'importantes files d'attente, étant donné que les mesures de sécurité qui ont été prises dans la foulée des attentats de Paris prévalent également dans la métropole lilloise. Les Diables Rouges jouent donc à 21h à Lille en quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. Marc Wilmots a quelques soucis à se faire au moment de coucher sur papier l'équipe qui entamera le match. Outre la suspension de Thomas Vermaelen, le sélectionneur fédéral devra se passer de Jan Vertonghen, blessé à la cheville et pour qui l'Euro est terminé. C'est donc avec une défense remaniée que les Diables aborderont cette rencontre face au Pays de Galles. S'ils s'imposent ce soir, les Belges joueront en demi-finale mercredi prochain face au Portugal. Les Portugais se sont en effet qualifiés hier soir aux dépens des Polonais qu'ils ont battus au tir au but. Ah bon, enfin, pour vous dire que depuis quelques années, les musiciens font régulièrement part de leur agacement face au recours quasi systématique chez le spectateur du smartphone pendant leur concert. Puisque la diplomatie ne fonctionne guère, Apple tente de trouver une solution radicale pour pouvoir désactiver la fonction caméra de l'iPhone dans certains lieux où l'enregistrement vidéo est inapproprié, voire interdit. Il s'agirait en fait d'installer un émetteur infrarouge capable de neutraliser la fonctionnalité caméra et appareil photo dans un lieu concerné en envoyant une commande à chaque smartphone présent dans son environnement immédiat. Rien ne dit cependant qu'Apple va recourir à cette technologie expérimentale sur ses prochains modèles. La météo de ce premier jour de juillet, alors que nous on sait que dans le sud-ouest, là où nous sommes en direct, on a de la chance, il fait plutôt beau et plutôt chaud. Et pour le reste de la Belgique, pour le reste du territoire, qu'est-ce qui va se passer? Les nuages vont continuer à dominer le ciel et les averses vont persister. Les maxima oscilleront entre 17 et 20 degrés. Et puis la pluie et les nuages seront toujours présents demain. Dimanche, le soleil fera son retour avant une augmentation de la nébulosité dans le courant d'après-midi. Lundi et mardi, le temps sera généralement sec et le mercure atteindra 22 degrés. Un prochain rendez-vous de l'info à 7h et tout de suite, c'est le son Dance Floor qui est de retour sur Fun Radio. Du son Dance Floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about. Sex. was unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Il est 6h38 sur Fun Radio, nous sommes vendredi le 1er juillet aujourd'hui. Du son dance floor, de la déconne, et dans un instant, qu'est-ce que je vous ai calé les doudous? Il y aura du Imani qui va arriver avant 7h. On va faire donc action ou vérité ce matin avec Justine qui a fêté son diplôme hier et qui donc a le contre-coup du fêtage de diplôme. Je pense que tu ne tiendras pas jusqu'à la fin de l'émission. Si, normalement oui, mais c'est pour le rafting après que j'en peux pas. Ah oui, parce que vous faites du rafting ce matin. Yes. Avec l'équipe de l'Happy Hour d'Audrey. Génial. On a fait plein d'activités. D'ailleurs, à propos d'activités, avant de faire action ou vérité, Khalid va vous raconter un petit peu ce qu'on a fait hier après-midi. C'était top, hein. On a vraiment une expérience assez originale et incroyable. Je vous conseille de faire l'activité qu'on a pratiquée hier. Khalid. Eh bien, on a pratiqué ce qu'on appelle du Segway. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de trottinette où on est debout sur deux grosses roues, une espèce de manette. On avance, on recule. C'est très simple, t'avances, tu recules, ça va super vite. Tu m'as 18 km, ce gars. Quoi, 18 km heure. Ah, non, tu m'as peut-être peur quand t'as dit tu avances et tu recules. C'est vrai que tu avances et tu recules avec ce Segway. Et simplement, il y a une allusion sexuelle, on va le dire, sûr. Dans ce que tu as dit. C'est comme un. Comment ça s'appelle ? C'est comme un hoverboard, voilà. Mais avec un stick. Mais c'est beaucoup plus. Peut-être plus stable, ça va beaucoup plus vite, ça va à 20 km/h. Ouais. Voilà, 20 km/h. On a donc essayé ça, le Segway, hier. On était du côté de Cap-Breton. On avait aussi un endroit où il y a les plus grosses vagues de la côte ouest en France. Vraiment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on s'éloigne de la côte, à 100 mètres de la côte, eh bien, ça plonge à 3000 mètres de profondeur. Et c'est ce qui crée des vagues de ouf. On a vu ça, il y a des vidéos qui ont été faites qui sont en cours de montage. Ouais. Et il faut savoir que les vagues à cet endroit-là, eh bien, 3 à 4 fois par an, elles vont jusqu'à 20 mètres, hein, c'est ça? Ouais, totalement. À propos de vidéos, justement, vous pouvez regarder sur la page Facebook d'émission Evan et la Tribu. Les vidéos, on va dire, comment on appelle ça, after movie de... Ouais. De toutes les activités qu'on a pu faire, on fait des coucous, c'est très sympa. Allez jeter un œil. Il y a déjà deux vidéos, la troisième arrive aujourd'hui, c'est ça? Normalement, elle arrive en cours de montage aujourd'hui avec notre monteur, s'il se remet également de sa soirée de fêtage de diplôme. Oui. Bon, c'est vrai que on va pas vous mentir, hein, y a beaucoup de fatigue ce matin, peu d'heures de sommeil. C'est vraiment les heures de sommeil qui manquent un petit peu, surtout à la fin de cette saison où on s'est levé tous les matins très tôt, là pendant 10 mois pour vous réveiller le matin. Alors, des petits messages qui arrivent. Bonjour Fun, bonjour Evan, courage, on est est avec vous. Comment il s'appelle alors? Ça doit être Leclerc ou Levesque. Voilà, Levesque qui est du côté de Roux. 6044 hein, pour le code postal. On a Caroline de Tournai, célèbre Caroline, notre fidèle Caroline de Tournai. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Premier jour de vacances, mais debout. Je vous adore, passez de bonnes vacances et profitez des gens que vous aimez. Hâte de vous retrouver. Gros bisous spécial à mon petit Evan avec un petit cœur. Merci Macaro, je t'embrasse très très fort. Vos messages SMS 3044 sur le Facebook de l'émission également, sur le Snapchat. Envoyez le son de Imani là quasi tout de suite. Et puis on va se retrouver juste derrière avec le jeu Action ou Vérité. Donc je vous rappelle le principe. Je vais proposer des actions à mon équipe ou alors des vérités. C'est-à-dire qu'ils auront le choix entre faire une action ou bien répondre à une question et ils devront dire la vérité. Voilà ce qu'on proposera dans quelques instants, juste après le son d'Imani. C'est Don't Be So Shy sur Fun Radio. Un petit problème visiblement du côté de Bruxelles avec notre ordinateur qui fait des siennes à 6h42. On va donc envoyer le son d'Imani avec Don't Be So Shy et revenir juste derrière avec l'action ou vérité. Si d'ailleurs vous avez envie, vous, de nous poser des questions avec des réponses que vous attendez et on ne pourra pas se défiler, faites-le, SMS 3044, il n'y a pas de souci. Allez, c'est Imani maintenant. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my step. I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. So shy, you're right, take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, and bless me further. Il est 6h45 sur Fun Radio, nous allons faire le jeu Action ou Vérité en direct du club Bellambra de Seignos. Alors Justine, il y a un instant, qui a fêté son diplôme cette nuit, était totalement couchée par terre, ici dans le studio du club Bellambra. Et on a pris une photo. Sandro, c'est toi qui l'as prise la photo? Ah oui. Tu la mets sur quoi? Sur quel, Ouais, tu peux la poster, ce serait génial. Sur la page. Vu, hein. On la met maintenant et vous verrez dans quel état la petite est. Ça va aller, Doudou? Oui, ça va. Ça va bien? Oui. Bon, on va commencer avec toi pour le jeu Action Vérité. Ah. C'est parti. Justine, tu auras en action lécher le bras de Khalid. Ah. Ou répondre à cette question.

Il est 6h55 sur Fun Radio. Dans 4 minutes, ce sera les infos, la météo avec Jean-François. Vos petits coucous du matin sont là. On salue Lucas qui est sur le Facebook de l'émission, qui se réveille avec nous. Salut, bonnes vacances à vous tous à la rentrée. Gros bisous, c'est Patrizio de la friterie Alba qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'on a également? On a Martine qui nous fait un gros bisou. On a également Sylvain qui nous écoute du côté de Mons. Et avant d'écouter notre chanson Taré comme jamais sur Fun Radio, la chanson du matin pour cette année, Khalid, tu voulais dire un truc? Oui, j'ai pas mal de messages sur Facebook également. Donc Giovanni qui nous dit bonjour l'équipe de fou. Félicitations à la jolie Juju pour son diplôme. Donc il vient d'être fraîchement diplômé en communication. Merci. Bravo. Et en mal de crâne aussi. Aussi. Jean-Marc, coucou les doudous, dernière émission avec vous. Soyez à fond en mode taré. On vous écoute depuis Tahiti. Eh ben, merci. Bisous à toi. Il nous écoutait toute l'année. Et il a jamais reçu son t-shirt, le pauvre. Mais oui, bah, ça, à mon avis, ça va arriver. Hein. Faut savoir qu'il nous écoute jeudi soir. Donc là-bas, on est encore jeudi. C'est ah oui, ça. Il n'est pas encore à Tahiti. C'est pas encore le 1er juillet, exactement. Hein. Et encore Albert. Bonjour à toi, Juju, et félicitations. Bonjour au reste de la tribu. Et c'est la part de Bébert de Gilly. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Tous vos messages, SMS 3044 sur le Facebook de l'émission. Tout à l'heure, dans l'Action Vérité, Justine nous disait qu'elle sortirait bien avec Oli, qui est le programmateur de l'antenne. Tu t'en souviens déjà plus? C'était il y a 5 minutes. Non, si, si, je m'en souviens. Qui est le programmateur de l'antenne, animateur de Party Fun. Et on nous dit Justine avec Oli, Oli. Franchement, on pouvait pas trouver mieux. Coucou les doudous, un gros bisou. Je vous souhaite de bonnes vacances. Evan, est-ce que tu viens mixer à Esplechin comme l'année passée? Tu m'as déjà posé la question, Kevin, hier. Donc c'est à Cérex que je serai le 15 juillet. Et donc je serai du côté de Tournai le 26 août. Il faudra bien écouter la radio, on donnera l'endroit exact. Attends, je vais essayer de retrouver en speed l'endroit exact où je serai le 26 août. Tu sais pas toi, Khalid, normalement? Non, je pense. Tu gères toutes mes dates, enfin. T'avais parlé, mais j'y suis désolé. Attends, je regarde. T'avais parlé de. Donc il y avait Balawayen, pardon. Voilà, en fait, je serai au Festival des Jeunes de la Glanerie. Et ce sera le 26 août du côté de Tournai. Voilà, c'est la 50e édition du Festival des Jeunes de la Glanerie. Vendredi 26 août. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Vous savez, je dis ça pour Kevin. Et puis, salut Evan et toute l'équipe. Petit message pour vous dire que votre émission est la meilleure de Fun Radio. Ah, c'est gentil. Bon, en tout cas, c'est gentil pour le compliment. C'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, pour moi, elles sont toutes meilleures sur Fun Radio. C'est normal, c'est notre radio. On espère tous pouvoir vous réécouter la saison prochaine avec un max de fou rire, Cédric et Common Belgium pour ce soir. Je rappelle que bah, pour la rentrée, hein, vous savez, c'est comme chaque année, c'est au mois d'août en fonction des sondages. On sait si nos émissions sont reconduites ou pas. Action vérité, allez zou, c'est parti, on va continuer, on le fait ce matin. Je vais faire jouer maintenant Khalid. Khalid, n'envoie pas tout de suite le taré comme jamais Lloyd, sinon j'aurais pas le temps de faire le action vérité. Dis-moi. Voilà. Je t'écoute. Tu es prêt? Alors ouais, attention. Je suis prêt. C'est très simple. Ouais. Khalid, en action, si tu ne veux pas répondre aux questions, Jean-François devra se mettre un doigt dans les fesses et devra te le faire sentir sous le nez pendant 30 secondes. Et là, je peux te dire, lui-même, il sent son doigt. C'est horrible. Mais il a déjà commencé, en fait. Hein. Calme-toi, calme-toi. T'es pas avec nous, Jean-François, j'ai l'impression, ce matin. Hein. Mais non, t'es pas en forme, ça. Je dois faire mes infos. Mais aussi, on s'en fout des infos. Oh là là. Il y en a chaque année. Moi, je vais les faire, les infos. Non, non. Khalid. Khalid. Dis-moi, je t'écoute. Action vérité. La question est la suivante. Donne-moi 3 défauts que tu détestes chez moi. Chez toi, 3 défauts? Ouais, 3 défauts. Mais un truc vraiment, t'avais jamais osé m'en parler et voilà, tu vas balancer la juste avant cette heure. Mais je t'ai parlé de tous tes défauts. Il y en a bien que tu m'as pas dit ou tu parles de moi derrière mon dos, non? Non. Non. Tout ce que j'ai dit dans ton dos, tu le sais. Tout ce que t'as fait derrière mon dos, je le sais aussi. Ah bah oui. Donc, je suis souvent derrière ton dos. Hein, allez, on y va. Parce que je suis le lèche-botte de service, apparemment, selon Juju. Allez, comme des fous, t'es hyper narreux. Tu me saoules avec tes histoires. dès qu'on touche un truc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur WhatsApp. Tu mets 700 ans pour répondre à un mail ou à un truc. Et tu me payes jamais en temps et en heure. Tu m'embêtes à cause de ça. C'est ça dit. Me fout dans la merde avec mes les huissiers. Ils viennent à chaque fois frapper à la porte et je leur ai donné ton adresse. Ils veulent pas venir. Ils m'ont dit on le connaît, il est insolvable. Oh, tu me saoules. Action vérité dans un instant. Ce sera le tour de Jean-François, puis le tour de Sandro. On va se retrouver juste après les infos, la météo avec le son de Matem. Ce sera le Café Del Mar 2016. Yolande va également nous rejoindre tout à l'heure. On aura le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, ce sera juste avant 8h sur Fun Radio. Il est 7h. Fun. Fun Radio. Bienvenue à tous sur Fun Radio et bon réveil, il est 7h pile, l'actualité de ce vendredi, c'est avec Jean-François, salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. L'ADN de Jawad Ben Daoud, dit Jawad le logeur, a été retrouvé par les experts sur le composant d'un gilet explosif utilisé par un des membres du commando du 13 novembre. C'est ce que rapporte TF1 qui a pu consulter un rapport de la sous-direction antiterroriste remis au juge d'instruction en charge de l'enquête. Le gilet aurait été utilisé par l'un des membres du commando du 13 novembre lors de l'assaut du raid, 5 jours après les attentats dans son appartement. Il n'est cependant pas possible actuellement de démontrer les conditions précises dans lesquelles l'ADN de celui qu'on appelle le logeur s'est retrouvé sur les rubans. Les personnes condamnées à des peines de moins de 3 ans vont voir s'accélérer leur libération provisoire, selon une circulaire du ministre de la Justice, Koen Heens, qui entre en application aujourd'hui. Selon la circulaire, il y a lieu de déroger temporairement des dates d'admissibilité à la libération provisoire. Les mesures automatiques de libération provisoire qui seront en vigueur jusque fin décembre ne s'appliquent pas aux délinquants sexuels et mineurs condamnés pour terrorisme à moins de 3 ans de prison. Le ministre Heens justifie cette mesure de faveur par le climat pénitentiaire actuel et se dit contraint d'agir de la sorte afin d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les prisons. Paul McCartney se produisait hier soir pour la première fois de son illustre carrière sur la plaine de Werther, à l'âge respectable de 74 ans. Pas démonté par la pluie pour un sou, il a distillé les meilleurs tubes des légendaires Beatles et des éternels Wings à plus de 60 000 personnes. Le premier jour du festival sur la plaine brabançonne s'est passé sans incident grave. Les organisateurs ont par ailleurs fait savoir que les titulaires d'un ticket d'une journée pour aujourd'hui ne pourront pas garer leur véhicule sur les parkings de Werther en raison des pluies qui ont rendu les terrains impraticables. Les automobilistes seront dès lors invités à rallier le parking C du Ezel ou le parking des casernes de Heverlee avant de prendre des navettes organisées gratuitement pour rejoindre le lieu du festival. Les Diables Rouges jouent ce soir à 21h à Lille en quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. Marc Wilmots a quelques soucis à se faire au moment de coucher sur papier l'équipe qui entamera le match. Outre la suspension de Thomas Vermaelen, le sélectionneur fédéral devra se passer de Jan Vertonghen, blessé à la cheville pour qui l'Euro est sans doute terminé. C'est donc avec une défense remaniée que les Diables aborderont cette rencontre face au Pays de Galles. Et s'ils s'imposent ce soir, les Belges joueront en demi-finale mercredi prochain face au Portugal. Les Portugais se sont en effet qualifiés hier soir aux dépens des Polonais qu'ils ont battus au tir au but. Un petit mot enfin pour vous dire qu'une ex-top modèle mariée à un riche saoudien durant 13 ans lui réclame 237 millions d'euros. Ce pourrait être le divorce le plus cher de l'histoire du Royaume-Uni. La liste des dépenses avancées par la femme qui fut un temps mannequin pour Pirelli pour justifier la somme folle réclamée à son ex-mari a de quoi laisser sans voix. Selon ses calculs, elle aurait besoin de 66,5 millions d'euros pour sa nouvelle maison, 1,2 million par an pour le budget vestimentaire, sans compter les 25 000 euros annuels réservés au budget chaussures, entre autres dépenses folles. Citons 60 000 euros pour le dîner de Noël, 34 000 euros pour les tickets à Wimbledon ou encore 5 000 euros pour 15 paires de lunettes de soleil. Fun. Fun Radio. La météo, Jean-François. Les nuages vont continuer à dominer le ciel et les averses persisteront. Les maxima températures oscilleront entre 17 et 20 degrés. La pluie et les nuages seront toujours présents demain. Et puis dimanche, il y aura heureusement un peu plus de soleil. Prochain rendez-vous de l'info à 7h30 et tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Speakers will reach up into the clouds and we can dance and sing out loud from the four corners of the Il est 7h07 sur Fun Radio, nous sommes le vendredi 1er juillet, dernière matinale avant les vacances tout à l'heure à 9h. Je vous dis bonjour. Nous sommes en direct du club Bellambra de Seignos, les Tuquets. Nous sommes ensemble jusqu'à un peu plus de 9h, dernière émission avant les vacances. Si vous avez envie de réécouter une séquence en particulier, n'hésitez surtout pas, vous me la demandez par SMS au 3044. Vous avez le Facebook de l'émission et le Snapchat. Allez le mater, le Snapchat, Evan et la tribu, parce que vous avez un résumé en vidéo de notre soirée et de la nuit de Justine qui a fêté dignement son diplôme en dignement, communication. Dignement, je ne sais pas. Dignement, oui, enfin... C'est peut-être pas le mot le plus approprié. En tout cas, dignement, ça veut dire que tu as honoré ton diplôme. En tout cas, le respect a déjà pris la route pour Bruxelles. Il est déjà parti. Tout le monde est là, effectivement, ce matin, dans un état plus ou moins normal à cause de la fatigue pratique, principalement. Vous l'entendez, Justine, bonjour. Hello. Sur quelle île du jambon ? Hello. Sandro est là. Hey. Il y a également notre Jean-François National à l'info, la météo et l'infotrafic. Bonjour, Jeff. Bonjour. Vous toutes, vous tous. Lloyd qui réalise cette émission depuis Bruxelles. Bonjour, mon Lloyd. Bonjour, avec les écureuils ce matin. Et puis Yolande également, bonjour ma Yo-Yo. Hello, hello. Bon, Yo-Yo, elle nous a réservé une petite surprise, les doudous. Ah bon? Ouais, alors regardez, je vais me pencher sous la table, vous n'en profitez pas. Allez, arrête de nous tenter, oh là là, quel beau galbe. Et si vous regardez bien, j'ai en fait un emballage de crevards pour une bande de connards à ouvrir à Bellambra. Et tout à l'heure, donc, j'ouvrirai ça en direct. Je suis parti avec de Bruxelles et je devais l'ouvrir en... Ben voilà, il y a une surprise pour nous de la part de Yolande à l'intérieur. On peut pas l'ouvrir maintenant? Non, on attend encore un petit Allez peu. Allez, quoi. À quelle heure il faut qu'on l'ouvre, Yolande? Mais je t'avais dit, mais tu t'en fiches. C'est pas spécialement pour l'antenne. Et tu m'as demandé 40 fois. Oui, mais moi, tu sais très bien que j'exploite tout pour l'antenne. Voilà, tu fais ce que tu veux. Fou. Tu fais ce non, mais que tu veux. Je fais ce que je veux. Bah oui. Non, pas tout de suite. Non, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? C'est trop tôt. On va attendre un petit peu. Le peak time, c'est ça, le peak time. On va attendre 7h45. Voilà, c'est le peak time, là, au moment où il y a le plus d'audience. Béni Benassi dans un instant avec Paradise, c'est ce que je vous ai calé. Il y aura Willy William également avec Paris. Est-ce qu'on a des prénoms à fêter aujourd'hui, Justine? On fête les Thierry et les Olivier. Eh bien, bonne fête à vous, bon anniversaire si vous êtes né un 1er juillet. On aura les meilleurs moments de l'émission tout à l'heure. D'ailleurs, à propos de Yolande, on réécoutera ce moment où on a balancé un petit peu de zouk lors de ton arrivée, puisque tu n'arrivais jamais à 6h, mais plutôt aux alentours de 6h45-7h. Alors, il y a une explication à ça, hein, c'est qu'effectivement, en gros, le standard, on n'en a pas besoin avant 6h55, et donc on demandait à Yolande de ne pas se réveiller totalement inutilement le matin. Qu'elle prenne bien son temps pour arriver jusqu'à la radio tranquillement. Et vous l'entendrez tout à l'heure, on va réécouter ce moment de zouk avec Yolande, tout en volupté, tout en beauté. On va faire l'action vérité qu'on a commencé depuis ce matin. Justine y est passée, Khalid y est passée, Jean-François va y passer également tout à l'heure. Et puis on a un zap télé qui est prévu. Est-ce que c'est confirmé, Khalid? 7h confirmé. C'était très clair ce que j'ai dit. En fait, je vais être ultra honnête, je te jure, j'étais sur le WhatsApp quand tu m'as posé la question. Je ne sais même pas ce que tu m'as demandé et je t'ai répondu oui, c'est prêt. Je t'ai dit, est-ce que le Zap Télé est prêt dans un instant? Il est parfait, il est tout chaud, il est bouillant, il va être déchiré. Il est 7h11 sur Fun Radio. Petit déj gratos sur Fun Radio. Alors Yolande, on a beaucoup de points d'interrogation ce matin, une émission un petit peu faite à l'arrache. Est-ce qu'on a un petit déj gratos pour terminer la saison ou pas? Mais tu lis jamais tes mails, mais oui on en a un. On a Vincent avec nous et en plus c'est une boulangerie à l'ancienne. Ah c'est cool ça, bonjour Vincent. Bonjour Evan. Vincent, j'ai un problème, je lis pas mes mails en cette fin de saison, j'avoue que je suis fatigué. Ça va mon Vincent? Oui, très bien, merci. Bon. Oh, ça a l'air, dis donc. Vincent, on est dans quelle ville ce matin? On n'est pas dans une ville, on est près de Herve. D'accord, donc on est plutôt dans un village. Haineux. Toute l'attitude de Khalid envers moi quand je lui paye pas son salaire à temps. Haineux. Donc on est près de Herve, on est à Haineux ce matin pour le petit déj gratos. Quel est le nom de ta boulangerie? La Maison Gardier. Et c'est à quel endroit? C'est au centre du village, on ne fait pas la rater. D'accord, et qu'est-ce que tu offres aux auditeurs qui viennent de la part de Fun Radio? Tout est au ralenti ce matin. Ben, comme c'était le 1er juillet, donc c'est le début des vacances, on a mis un petit assortiment des produits fétiches de la boulangerie. Il y a quoi dedans? Ben, notre baguette à l'ancienne. Mais chaque fois en petit format, on a mis nos petits pains au chocolat, on a un petit cake au citron aussi. Ok. Voilà. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Petit déj gratos du côté de NE ce matin. On est près de Herve. L'adresse, on la met sur le Facebook de l'émission. C'est jusqu'à 10h. Un grand merci, Vincent, pour le dernier petit déj gratos de la saison. Voici Willy William avec Paris sur Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Il est 7h15 sur Fun Radio, bisous à Francis, bisous à Mélanie qui nous font plein de gros bisous ce matin par les SMS au 30-44, dernière émission de la saison. Vous avez le Snapchat de l'émission, vous avez le Facebook de l'émission également. Evan, bonnes vacances à toute la tribu, vous allez me manquer, c'est signé Isa, notre fidèle Isa de Liège. Il y a beaucoup de fidèles auditeurs, on pense à notre David également, aux habitués à Fabrizio, le Patrizio, je l'ai cité tout à l'heure, à Nathalie et son petit garçon également, à Joanny, voilà toutes celles, tous ceux qui sont réveillés, toutes celles qui ont été aussi très présents souvent dans l'interactivité avec nous et pour réagir aux messages et à tous les différents thèmes qu'on a pu faire le matin dans toutes nos bêtises. On écoutera évidemment avant la fin de l'émission les chansons, donc notamment Taré comme jamais. Et puis pour le son Dance Floor dans un instant, il y aura Benny Benassi avec Chris Brown. 7h16, Justine, tu veux me taper dans la main? Non, il y avait une mouche que j'essayais d'attraper. Mais ça va pas bien ce matin. C'est pas sympa de parler devant Jean-François comme ça. Hein. Totalement en train de la perdre. Non, c'est vrai, il y a deux elle mouches. Elle est sur ton micro, regarde. Bon, elle est belle. C'est Janine, la mouche. Fais un bisou, vas-y. On va passer aux apps télé 2 du jambon. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des Marseillais. Tu connais la fameuse émission où l'on envoie 10 Marseillais bien vénères dans un pays du monde pour les filmer pendant qu'ils se bastonnent, qu'ils se crêpent le chignon? C'est quoi la chanson les Marseillais, la chanson. Attends, comment ça? Attends, j'essaye dans ma tête de faire. Les humains animés. Ah oui, c'est ça. On chante très bien. Ouh, les ch'tis à Hollywood. Ah bah, c'est Marseillais. Bon, c'était le Marseillais. Ouh, les Marseillais au Brésil. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'ils font les Marseillais? Dans l'épisode que j'ai pu voir, ce sont trois Marseillais qui font un concours de culture générale. Et comme d'habitude, c'est un festival, hein. Bouglione, Felindra, Tête de Tigre, tout. Et c'est la candidate Kim, elle a fait vraiment très très fort. La preuve en son, j'allais dire en image, le mec il se prend en télé. Première question, showtime, c'est parti. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Catastrophe. 1945. Ah ouais, la première guerre mondiale. Ah, effectivement, ils avaient quelques années de différence. Ah bah donc voilà, ça s'est dit. Donc plus essayer de comprendre et plus on la comprend de moins en moins en fait. Extrait. 6 ans de guerre. 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre. Je pensais que c'était un mois ou deux. Donc la guerre 39-45, 6 ou 6 ans de guerre, oh là là, je pense que c'est 2 mois, au camping Campéole ou ailleurs. Tu vois, mais tu sais que ma femme me dit souvent, elle regarde ça avec ma fille, et je lui dis mais c'est débile. Elle me dit ouais mais ça nous permet tellement de regarder la connerie humaine que c'est comme un divertissement, on se fout de leur gueule. En fait ça nous rassure sur notre égo. Ça va, tout compte fait c'est pas si grave. Donc au fil des questions on se balade après vers les époques, hein. Bon c'est un quiz de culture générale. Et petit à petit on se rend compte que sa boîte crânienne est un puits sans fond. Extrait. Mais le Moyen-Âge pour vous c'est genre, je te dis je suis au Moyen-Âge, c'est 1900 combien? Le Moyen-Âge c'est avant ou après Jésus-Christ? Allez, on va dire. Je sais pas du tout. Bon, il n'y a pas une pour attraper l'autre, c'est une catastrophe. Le pire, c'est quand elle essaie de justifier sa boulette, c'est au marteau piqueur qu'elle s'enfonce. Extrait. Je suis en temps 1316, par exemple. Je suis en 1316. Eh ben, c'est juste avant nous. Enfin, c'est 1300, 1400, 1500, 1600. Mais après ou avant l'ère des dinosaures? Non, c'est pas possible. Mais ça continue à creuser, c'est vraiment ça. Et donc foutu pour foutu, on essaie une question à propos des stars, tu sais, pour un peu rattraper le coup. Extrait. Marilyn Monroe, est-ce qu'elle est sortie avec le roi Soleil ou pas? Elle est sortie avec un président. Est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas? Non. Marilyn Monroe avec Louis XIV. Même nous qui ne sommes pas, je veux dire, d'une intelligence extraordinaire, on a quand même quasiment les réponses à tout ça. C'est quand même la folie, ça, de dire des conneries comme ça, autant de conneries à la seconde. Bienvenue à Marseille, mon pote. Et donc, rien à faire, c'est foutu. Bref, un seul terme pour résumer ce genre de personnes. Extrait. Découvre vite Barbie Spice-Dicounaz. Bravo pour ce Zap Télé du Jambon, le dernier de la saison, on peut l'applaudir bien fort. Merci, merci. Bon, on sent vraiment, mais que les gens ici n'ont plus de jus. L'équipe, elle est au bout du bout de ce qu'elle pouvait faire. C'est-à-dire que même pour applaudir, on a l'impression que les mains sont lourdes, etc. C'est la dernière de la saison. Benny Benassi avec Chris Brown, c'est ce qui arrive maintenant sur Fun Radio. Il nous reste encore plein de choses à faire. On aura des meilleurs moments de la saison que vous avez choisi, vous, par SMS. Il y aura tout à l'heure le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Justine et de Jean-François avec du pognon à la clé. Et puis, nous aurons également l'action vérité qu'on fait ce matin avec toute l'équipe. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez poser des questions. Du Sundance Floor de la déconne, bon réveil, 1er juillet. C'est aujourd'hui, premier jour des vacances. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye.

I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like body, body, body, body, body. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Il est 7h37 sur Fun Radio, ça a l'air bon le petit-déj ce matin, petit-déj gratos, on est du côté de Herve, du côté de Haineux. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse, Justine, s'il te plaît, dernier petit-déj avant de partir en vacances, dernier petit-déj de la saison. Et vous allez tout simplement chaussée de Wégimont, c'est la boulangerie, il s'appelle Boulangerie à l'ancienne, tout simplement. Il y a plein de bons produits, voilà, fabriqués à l'ancienne pour prendre un bon petit-déj ce matin, bon petit-déj gratos également pour nous, grâce à Bellambra, Seignos, les Tuquets qui nous offrent ce matin. Encore des choses légères, hein, des croissants, des pains au chocolat. Je pense que j'étais resté ici un mois. Je prends 2000 kilos, sans déconner. Hein. Tu c'est rentres en roulant, incroyable. Mais sans véhicule. Je regardais mon ventre ce matin, je me disais, mais c'est incroyable ce que je suis en train de prendre. J'ai jamais autant pris de ma vie. 7h38, dans un instant, il y aura Lost Frequencies avec Beautiful Life. C'est notre petit belge qu'on avait reçu d'ailleurs l'année dernière dans le morning. On l'avait reçu au tout début de sa carrière quand il avait explosé avec son premier titre. Et ça se passe plutôt pas mal pour lui. Alors on va écouter les meilleurs moments de l'émission là dans deux secondes. N'oubliez pas que vous balancez vos messages par SMS au 30 44 50 centimes par envoi si vous voulez nous faire un petit coucou. Salut les tarés, vous allez me manquer, surtout la voix de Justine. Gros bisous, il y a Yves qui nous dit ça, j'espère qu'on vous entendra en septembre. Je devais jouer aux 5 secondes chrono et malheureusement j'ai pas pu. On vous fait des gros bisous, à vous la tribu. Après nous avoir fait passer des matins extraordinaires, nous vous souhaitons un repos bien mérité et de super vacances. C'est Elvin qui nous dit ça avec un gros kiss également. Bon appétit, hein, Justine, puisque tu manges une glace au citron ce matin. Hein. Bah oui, mais c'est pour me rafraîchir la mémoire en fait. Ah oui, d'accord, je savais pas que ça agissait comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Salut Evan et la tribu. Dis pour tes vacances, est-ce qu'Evan tu pars en Connardie ? Oui, c'est vrai. Je vais y aller, c'est Jojo le plieur de banane qui nous dit ça. Et ça a été choisi par toute l'équipe et plusieurs auditeurs. Une séquence où en fait Yolande arrive. Alors il faut savoir que Yolande, tu arrives à peu près chaque jour aux alentours de 6h45, 6h50, ouais. 6h55, 7h. En non, fonction des transports. Plutôt. T'as souvent eu des problèmes avec les transports, on est d'accord. Hein. Oui, mais ça va. Je suis rarement arrivé à 7h passée. Que une ou deux fois. Le petit message du matin sur le WhatsApp qui nous permet de communiquer entre nous, c'était le bus est pas là, j'aurais du retard. En fait, je pense que c'est les transports en commun qui ont un problème avec Yolande. Mais avis. Oui. Oh non, pas elle, elle recule. Et alors, dans la séquence qu'on va écouter maintenant, en fait, Yolande arrive et donc dans le studio, il est fait ainsi que je vois les personnes arriver au loin par une petite fenêtre et donc je vois arriver Yolande et soudain, Sandro à l'aréa me balance une petite musique, ce qui donne cette improvisation. Écoutez, c'est parti. Écoutez, ça s'est passé chez Evan et la tribu. Qu'est-ce qu'elle va vouloir ? Je sais pas. Ah, c'est Yolande. J'ai vu un truc bizarre bouger, je sais qui. Ah, c'est Yolande. En fait, on dirait une bonnette de micro, mais qui est vivante. Ça va, ma yo-yo ? Vas-y, rentre dans le studio tranquille. Mais dis-toi, tu es arrivé très classe aujourd'hui. Bonjour, salut. Bonjour. Comment ça va, ce match ? Bien ramener les légumes pour les faire cuire dans la marmite ou quoi ? Je commence pas avec l'action française. Allez, t'as vraiment une tête de poulet boucané. Mais le casque, t'as mis une petite musique ce matin pour danser. Ça casouque, elle drunk, elle ça va, bon, joyeux, on y va. Elle est en train de danser à 7h du matin. Est-ce que c'est bien ta musique des Antilles, ça? Je crois que je viens pas des Antilles. Tu viens d'où en fait? Bah, du Burundi, du Congo. Et bah, tu vas mettre cette musique, c'est bien, ça fait danser, c'est tranquille. Vas-y, Sandro, monte un petit peu. Allez. On vient du Burundi. On vient aussi des Antilles. Énorme. Ça casouké, c'est bon. Sur Fun Radio, zouké. Zouké, zouké. Poulet boucané. La marmite avec les légumes.

Merci sur Fun Radio. Avant 8h, il y aura le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Rappelons combien il y a dans la cagnotte, Justine, aujourd'hui. Il y a 90 euros dans la cagnotte. Alors, on va peut-être rajouter tout à l'heure 10 euros. On va, à mon avis, avoir un qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui va, au fur et à mesure, augmenter d'ici la fin de l'émission, ce qui permettra, je l'espère, à l'un ou l'une d'entre vous de repartir avec un bon petit paquet de pognon à claquer en vacances. C'est la dernière émission de la saison aujourd'hui. Après, nous partons en vacances, peut-être comme vous. D'ailleurs, dites-nous où vous allez partir. Il y a tous vos messages qui font bien plaisir, là. Tiens, on va lire ceux qui sont arrivés sur le Snapchat de l'émission, sur le Facebook, c'est Khalid qui s'y colle. Oui, bonnes vacances, vous allez nous manquer, c'est signé à Ghana. Et ensuite, il y a une photo d'une magnifique brunette qui répond... Ghana. Ghana. Ghana. Ghana. Autre message. Ah, les magnifiques brunettes qui répond au doux nom de Valde 2002. C'est comme tu les aimes en plus sur la photo, elle est vraiment mignonne et qui nous dit vous allez nous manquer, plein de bisous, des kisses et plein de petits smileys sympas. Merci à toi Valde. Nismo 12 qui nous dit et moi les médoulous, vous allez bien? Dites-moi que je fais quoi pendant 2 mois? Je suis déçu que ce soit la dernière. Je n'ai plus envie de me lever pour aller bosser. Bah non. Si, il faut bosser quand même, monsieur. Il y aura Anto à partir de lundi avec une toute nouvelle équipe. Hein. Vous savez, chaque année, c'est normal. Hein, l'équipe qui fait la saison pendant 10 mois de septembre à juin va se reposer un petit peu. Il faut savoir que le morning, c'est une émission géniale. Mais il faut vraiment savoir que nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez épuisant, qui claque beaucoup. Parce que si on veut vivre un peu comme tout le monde, être un peu en vie sociale le soir, et ça veut dire qu'on ne se couche pas à 21h et on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil. Et au bout d'un moment, ça pèse un petit peu. Mais tout le bonheur d'être avec vous chaque matin, ça compense quand même tout ça. On a d'autres messages, Doudou ? Oui, bien sûr, sur Facebook, il y a aussi donc Sabina qui dit félicitations, Juju, pour ton diplôme en communication. Et alors, il y a Jova qui nous dit félicitations encore, Justine. Il y en a que pour Justine aujourd'hui. Nous, on sent mauvais, c'est ça? Non, hein, et pas que pour Justine. Parce que par exemple, il y a Liliana de Châtelineau qui me dit coucou l'équipe de Fun, bonnes vacances. Vous allez me manquer et plein de bisous. On relira d'autres messages dans un instant après un son qui va vous permettre de monter à donf dans la voiture. Le son de Dimitri Vegas et Like Mike avec Arcade sur Fun Radio à 7h48. Justine, t'as 10 secondes pour dire un truc. Ouais. Mais je voulais dire que j'ai trouvé un remède pour la gueule de bois, c'est la glace au citron. Ah bah écoute, si c'est efficace, voilà, c'est le conseil grand-mère du jour. Voilà. C'était le conseil grand-mère. De Justine avec Deleuze. Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son dance floor. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une Suédoise. David Keita, I love you. Et si on l'appelait genre Adriana? Oh ouais. Oh ouais, attends, soulève lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça les filles en festival, non? Tu crois? Bah ouais. Oh ouais, ok, ouais. Préfère le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. To see them at first light after a long night and see the sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. And oh, you're working so hard, you played your card, so what's the payoff? I'm in control. Don't you know I want it all? Put your hands. wine and spray it down. All night me a gear down. De membres d'Evan et la tribu faut-il pour changer une ampoule? Aucun. Le temps qu'ils comprennent, il fera déjà jour. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h56 sur Fun Radio, dernière émission de la saison avant les vacances. Nous partons tout à l'heure, juste après 9h, on va voir si l'équipe est au taquet parce que je vous assure, je les ai jamais vus aussi fatigués. Alors avant, Khalid il fait le ramadan évidemment, il a plus d'énergie, plus rien. Et vous parlez de vacances, mais moi lundi je suis à l'antenne, hein, grand. Ouais, bah grand, ça va. On a tous nos problèmes, ok. Ouais, c'est ça. Mais nous on part en vacances, t'as qu'à mieux te débrouiller finalement. Le pire c'est que t'as oublié que t'étais payé ou. Hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Genre, c'est une corvée. Alors, petit test de savoir si l'équipe est en pleine forme. Sandro, tu vas t'y mettre aussi. Il est couché sur le canapé, lui, j'y crois pas. Ça va tout le monde? Ouais, ouais. Le mec a un micro, est allongé. Le mec il veut même pas se lever pour parler au micro. C'est un scandale, Sandro. Non, moi je suis bien là, il fait beau. Je vois ça. J'ai bientôt allé à la plage avec le micro. Donc et voilà, et le mec est pieds nus aussi, hein. C'est génial. Salut les tarés, je suis en route pour une de mes plus grosses journées de l'année. Je suis commerçante et c'est un jour de solde. Bravo à Juju et j'espère vraiment vous retrouver en septembre. Bonnes vacances et gros bisous à vous tous. Ce n'est pas signé. On va écouter Ma Vie Andalouse, ce sera juste avant 8h. D'abord, il est l'heure d'essayer de remporter pour vous du pognon pour partir en vacances. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On rappelle les indices. Justine, du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte que vous avez planqué, toi et Jean-François. Alors, on sait que ce n'est pas transparent, ce n'est pas en plastique, ça mesure plus de 10 cm, on le porte. On a donné l'indice frein, l'indice léger, l'indice élastique, trace, et on sait que ça ne se met pas sur les lèvres, quoique. Alors, combien y a-t-il dans la cagnotte? On a 90 euros. Alors, si vous pensez avoir la bonne réponse à ce qu'il y a dans la boîte, vous jouez dès maintenant. Écoutez d'ailleurs comment ça se passe. Vous envoyez... Pour jouer au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, envoyez Eva, suivi de votre réponse au 6322. Et la cagnotte sera peut-être pour vous. Jusqu'à la dernière émission. À chaque fois, c'est drôle. Mais pourquoi tu me montres du doigt en mode à toi de parler? Tu sais que je vais me le prendre dans la gueule. Dis tais-toi. Non. Je te dis chute. Mamie. Mamie. Oui. Mais t'es où, mamie? J'arrive, mon Evan. Elle vient le soir jouer au rami dans le réfectoire. Elle est si belle. Sa robe à fleurs m'ensorcelle pour l'embrasser. Je préfère qu'elle enlève son dentier, mais moi je l'aime comme une soupe aux choux de Bruxelles. Là sur les yeux, des lunettes bleues. Quand on regarde Navarro, mon Dieu que c'est beau. Toi, toi, ma vieille Andalouse, qui embrasse comme une ventouse. Quand tu danses, je reste alerte. J'ai trop peur que ton cœur s'arrête. Toi, ma vieille Espagnole, tu pompes plus que ma bagnole. Je te prie, m'acheter pas. Encore un petit bout de boudin, et puis on va donner le reste aux pigeons dans le parc. Ce qui est marrant, c'est que t'es plus âgé que mes parents, tes yeux qui louchent. J'aime t'aider quand tu prends ta douche, ton corps ondule. Quand tes genoux et tes seins se bousculent, tu vas être vénère. Mais je crois qu'en fait j'aime ta mère. J'aime bien les mamies qui sont toutes jolies. J'aime aussi les papis. Ça fait du bien d'en écouter la parodie de la première saison qui avait bien cartonné ce matin, la dernière avant les vacances. Pep & Rush à suivre pour le son Dance Floor et le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il est 8h sur Fun Radio. Bonjour. Salut Raymond. Fun. Fun Radio. Fun. Dans moins de 10 minutes, on vous rappellera l'adresse du petit-déj gratos. Ce matin, on est du côté de Haineux, mais d'abord 8h01, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Paul McCartney s'est produit hier soir pour la première fois de son illustre carrière sur la plaine de Werther, à l'âge respectable de 74 ans. Pas démonté par la pluie pour un sou, il a distillé les meilleurs tubes des légendaires Beatles et des éternels Wings à plus de 60 000 spectateurs. Le premier jour du festival sur la plaine brabançonne s'est passé sans incident grave. Les organisateurs ont par ailleurs fait savoir que les titulaires d'un ticket d'une journée, notamment pour aujourd'hui, ne pourront pas garer leur véhicule sur les parkings de Werther en raison des pluies qui ont rendu les terrains impraticables. Les automobilistes seront donc dès lors invités à rallier le parking C du Ezel ou encore le parking des casernes de Everley avant de prendre des navettes organisées gratuitement pour rejoindre le lieu-site du festival. Plus de 8 belles sur 10 partent en vacances en voiture ou disposent d'un véhicule sur place selon une enquête de Touring. 85% des belles partent donc avec leur véhicule ou en ont un sur place, tandis qu'ils sont 61% à préférer l'avion et 24% le train. Pour 7 belles sur 10, c'est le type de séjour qui détermine le moyen de transport et pour la moitié, c'est évidemment le prix. L'étude montre encore que près de la moitié des Belges ont des animaux domestiques et que dans 4 cas sur 5, l'animal est laissé à la maison, surtout lors d'un city trip ou d'un séjour en avion. L'étude note enfin que plus de 70% des Belges partent en vacances au moins une fois par an et 40% prennent même le large 2 à 3 fois sur une année. Le déficit de la sécurité sociale est passé à 748 millions d'euros, soit 229 millions de plus que ce qui avait été envisagé lors du contrôle budgétaire d'avril. Ces chiffres figurent dans un rapport du comité de gestion de la sécurité sociale que le quotidien Le Soir a consulté. Le déficit plus important que prévu est principalement dû à un manque à gagner. Les cotisations sociales et le financement alternatif à travers la retenue d'impôts rapportent moins que prévu. En outre, il y a plus de dépenses que prévu liées à la prépension. C'est aussi le résultat des réformes que les partenaires sociaux ont érodées. D'autres réformes seront nécessaires et l'accent devrait être mis sur l'aide au retour sur le marché du travail des personnes en incapacité de travail. En sport, les Diables Rouges jouent ce soir à 21h à Lille en quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. Marc Wilmots a quelques soucis à se faire au moment de coucher sur papier l'équipe qui entamera le match. Outre la suspension de Thomas Vermaelen, le sélectionneur fédéral devra se passer de Jan Vertonghen, blessé à la cheville et pour qui l'Euro est sans doute terminé. C'est donc avec une défense remaniée que les Diables aborderont cette rencontre face aux Gallois. S'ils s'imposent ce soir, les Belges joueront en demi-finale mercredi prochain contre le Portugal. Les Portugais se sont en effet qualifiés hier soir aux dépens des Polonais qu'ils ont battus au tir au but. Un mot favori dès que le gouvernement suédois souhaite éradiquer certaines inégalités discriminatoires encore bien ancrées dans les sociétés et permettre ainsi aux femmes de disposer des mêmes droits que les hommes en toutes circonstances. Mais en pratique, c'était évidemment malheureusement un peu plus compliqué, notamment à la piscine. La controverse est née dans le pays scandinave à la suite de l'expulsion d'une personne transgenre qui était torse nu dans une piscine de Stockholm. Le ministre du Travail a pris parti pour la victime. Sa décision a ensuite fait jurisprudence et toutes les femmes ont automatiquement été autorisés à nager seins nus à la piscine, un droit qui était alors juste réservé aux hommes. Donc si vous allez à la piscine en Suède, eh bien vous pourrez voir les dames se balader seins nus. Fun Radio. La météo, Jean-François. Les nuages vont continuer à dominer le ciel et les averses persisteront. Et puis du côté des températures, eh bien elles vont aussi aujourd'hui entre 17 et 20 degrés. Fun Radio. Alerte trafic. Un point sur vos conditions de circulation. Des ralentissements sur le ring intérieur entre Berceul et Forêt. Puis également, attention, un accident. Et la voie de droite qui est bloquée, c'est sur le ring intérieur entre Tervuren et Léonard. Et puis il y a également un objet encombrant, c'est sur la E42 vers Bâtisse à hauteur de Poller. La bande de droite est obstruée. La situation est dangereuse, nous dit-on. Soyez prudents si vous passez dans le coin. On se retrouve à 8h30 pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est son Dance Floor de retour sur Fun Radio avec Pep & Rush. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Slips away because your baby is so far away. Well, there's a road in a distant love, and the ego flies with the love. You got the love to want you with. Love to want you with. Vous écoutez Fun Radio, il est 8h07, nous sommes en direct du club Bel Endroit de Seignos ce matin pour la dernière émission de la saison juste avant les vacances. On vous dit bonjour. L'équipe est là, Justine sort qu'elle est du jambon, Jean-François, Sandro à la Réa, Lloyd également à la Réa du côté de Bruxelles. Et puis notre Yolande nationale, ça va ma yo-yo, tu es en pleine forme, on va ouvrir ton petit paquet tout à l'heure. Hein. Ah ouais, moi ça va. Il est là ton petit paquet, il faut savoir qu'elle m'a donné un petit paquet avant qu'on parte ici à Seignos, au club Bel Endroit, et que je vais l'ouvrir. Sur ce petit paquet, il y a marqué « Emballage de crevards pour une bande de connards à ouvrir à Bel Endroit ». Ce sera ouvert tout à l'heure, on va donc découvrir ce qu'il y a. Dans un instant, le petit déj gratos, c'est le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et puis pour le son, avant 8h30, je vous ai calé DJ Snake, ce sera Talk. Calvin Harris aussi va débarquer sur Fun Radio, avec la voix de Rihanna. D'ailleurs, on vient de voir le dernier clip de Rihanna, Justine. Elle a été métamorphosée, c'est ça? Ah ouais. Ça fait peur. Hein. Tapez dernier clip de Rihanna métamorphosée. Petit déj gratos sur Fun Radio. On est où ce matin pour le petit déj? Alors ce matin, on est du côté de Haineux. Vous allez chausser de Wégimont, numéro 337. Pardon. C'est la boulangerie Gardier. Et Vincent vous offre un petit panier garni. Voilà pour la dernière. La pauvre. Vous savez, Justine, elle fête son diplôme. Elle a été diplômée en communication avec. C'est quoi le terme qu'ils ont utilisé? Distinction. Avec distinction. Et donc, du coup, elle a dormi deux petites heures. Elle a été faire du sport hier soir, etc. Et donc, ce matin, elle est un petit peu fatiguée pour cette dernière émission avant les vacances officielles. Il est 8h09. C'est l'heure de gagner du pognon. En tout cas, je l'espère. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors pour la boîte, on va rappeler d'abord les indices, puis le montant de la cagnotte. Ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir repartir avec un beau virement sur votre compte en banque avant de partir en vacances. Alors on sait que ce n'est pas transparent, pas en plastique, on le porte, ça mesure plus de 10 cm. Ce n'est pas une ceinture, on a donné l'indice frein, élastique, léger, trace. Et on sait que ça ne se met pas sur les lèvres, quoique. Alors Brian est avec nous, il a 21 ans du côté de Herstal. Bonjour Brian. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Merci d'être avec nous ce matin pour cette dernière de l'émission avant les vacances. Brian, pour ce matin, 90€, qu'est-ce qu'il y a selon toi dans la boîte planquée par Justine et Jean-François? Alors moi j'avais pensé à un slip aux couleurs de la France. Alors, est-ce pour 90€, et c'est Jean-François qui va répondre, est-ce que vous avez planqué dans la boîte un slip aux couleurs de la France qui joue dimanche? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a planqué effectivement un slip, mais ce n'est pas un slip aux couleurs de la France. Ah. Alors est-ce que c'est... Alors attention, est-ce que c'est un slip? Est-ce que c'est un slip kangourou? Est-ce que c'est un boxer? Ou est-ce que c'est un string? C'est un dessous alors, hein? Oui, non, c'est un slip, donc on a juste demandé, donc il faut préciser, le slip est acquis, c'est un membre de l'équipe, ça on a déjà dit hier. D'accord. Et alors on a donné l'indice France, parce qu'il y a un membre de l'équipe qui vit en France, voilà, donc c'est peut-être ça qui a fait dire bleu, blanc, rouge, mais donc c'est quelqu'un de l'équipe, et alors il faut juste nous dire la couleur, et bon, on s'est fait ce délire-là, parce que tu as annoncé, dans qu'est-ce qu'il y a à la boîte, que tu allais faire une photo pour montrer l'objet qu'il y avait dans la boîte, donc juste pour te voir en photo en slip sur la page Facebook, ben, on s'est dit que Jésus, on va donc le faire. Donc là, du coup, vous savez qui appartient à ce slip? Il fait qu'il vient de tout balancer. Voilà. Ah non, parce qu'il faut donner la couleur. Il a une particularité, ce slip. Alors, que proposez-vous de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On rajoute 10€, donc on est à 100€ maintenant. Vous jouez de quelle manière, Justine? Vous envoyez le code EVAN suivi de votre proposition et vous envoyez tout ça au 6322. Brian, merci d'avoir fait avancer le casquier dans la boîte. Et comme t'as pas gagné, évidemment, bah tu peux rejouer. Hein. Yolande peut te resélectionner si c'est toi qui as la bonne réponse. Tu peux encore tenter ta chance. Je te fais un bisou, mon Brian. Dans un instant, les meilleurs moments de l'émission. On écoutera notamment une séquence où je me trompe de prénom sec dans cette saison. J'ai souvent oublié le prénom des auditeurs. Un problème de mémorisation. Voici DJ Snake sur Fun. Much more to lose when you talk. 15 sur Fun Radio, c'est la dernière des vannes et la tribu avant les vacances. On part en vacances, allez, dans moins d'une heure. Maintenant, on pensera à vous. Il y aura de toute façon un suivi tout l'été sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu notamment. Vous pourrez suivre toutes les dates de soirée où on se retrouvera pour faire la teuf ensemble, parce que c'est pas possible qu'on se voit pas pendant deux mois. Il y aura le son de Calvin Harris et Rihanna dans un instant. Nous jouons ce matin qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il y a 100 euros à gagner, une cagnotte que vous aurez directement sur votre compte en banque virée par Nadine Didine à la compta. Pour ça, il faut trouver cet objet qu'ont planqué Justine et Kaline. On rappelle les principaux indices. On arrive vraiment très près. Maintenant, il faut juste que ce soit précis, vos réponses. Voilà, donc en fait, on sait qu'il s'agit d'un slip et on vous demande simplement à qui est-ce qu'il appartient. Il appartient à quelqu'un de l'équipe ainsi que la couleur. Oui, il faut la couleur. À qui ça appartient, la couleur et éventuellement une particularité. Parce qu'il a une particularité. Aurélie me dit, c'est le slip d'Evan. Oui, ça, je l'ai dit, mais il manque une précision. Alors, c'est mon slip. Oui, c'est un slip qui m'appartient. Alors, il faut savoir que pour que il le planque dans la boîte, c'est Justine avec qui je partageais un appartement qui a été fouillé dans ma valise. Et c'est pas bien. J'ai trouvé des trucs. Oui, dans bon, sa ça valise. Va. Oh, les dossiers. Les dossiers de Bellambra restent à Bellambra. Est-ce que le slip est muni d'un ustensile? Ah non. Pourquoi? Pas parce que oui. Je pense. Ah oui. Oui, les miens toujours. Il y a toujours. Lui, il a un porte-coucougnette toujours. C'est ça, hein. Ça évite que ça descende trop bas. On me dit par SMS, Evan, il appartient à Khalid. Non, j'appartiens à tout le monde. Je vous avoue. Evan, un slip mais de non, la Evan, Belgique. Parlez du slip, hein. Hein? Parlez du slip. Oui, mais peu importe. Oh, vous me suivez même pas tellement vous êtes fatigué. Evan, un slip de la Belgique de Eden Hazard. Non, ce n'est pas ça, on est d'accord. Et un slip à la couleur des Belges. Non, il n'y a pas de drapeau sur le slip. En fait, c'était un mauvais indice d'un auditeur. Il n'y a pas de drapeau du tout. C'est une couleur uniforme. Voilà. Par contre, il y a le mât. Donc, toi, tu vas me faire penser au petit bateau tout à l'heure. Elle n'a pas compris ta vanne. Non, j'ai vu le vide intersidéral. C'est génial, j'adore juste. Donc, il nous manque la couleur et la particularité pour 100 euros ce matin dans le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Comment on joue, Justine? Vous envoyez le code Evan suivi de votre proposition. Vous envoyez tout ça au 6322. Jeff. Non, je voulais juste dire que tu as dit un drapeau de couleur de la Belgique, mais peut-être dans les couleurs de la Belgique, il y a peut-être une des couleurs qui pourrait être le slip. Un 10 quand tu nous tiens à 8h18. Calvin Harris et Rihanna, c'est ce qui arrive dans moins de 2 minutes sur Fun.

8h22 sur Fun Radio. Nous sommes en direct pour la dernière fois de la saison avant les vacances officielles qui commencent tout à l'heure. Juste après 9h, c'est Evan, c'est la tribu. Nous sommes depuis le club Bellambra de Seignos dans le sud-ouest de la France. Et nous cherchons ce matin, dans le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, un objet pour 100 euros. On y revient dans une minute. D'abord, message sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Alors, c'est Jonathan qui nous dit: vous allez me manquer, vous êtes formidable. Et surtout, ne pas oublier, Evan, tu es un connard. Merci pour le compliment. Vous savez que c'était notre leitmotiv des derniers jours, hein, au mois de juin. Coucou tout le monde, vraiment déçu que vous ne serez plus là pendant 2 mois pour vous réécouter le matin. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est Anto qui nous remplace. Nous, c'est normal, on part se reposer, on part faire des dodos, ne plus mettre le réveil ce matin. Je vous dis déjà, bonnes vacances et vite vous voir pour les prochaines soirées. C'est Baz qui nous dit ça. Et n'oubliez pas, il y a plein de soirées, hein, cet été où on se verra. Les premières, notamment la première sera le 15 juillet. Du côté de Cyrex, on revient en speed sur la boîte. 100 euros à gagner. Rappel des principaux indices. On tourne quand même autour du pot, ouais, sans jeu de mots, sur cet objet que nous cherchons ce matin, planqué par Justine et Jean-François. Mais maintenant, moi, je sais ce que c'est. Eh bien, dorénavant, on sait que c'est le slip d'Evan qui est caché dans la boîte. On vous demande des précisions, c'est-à-dire qu'on voudrait que vous nous précisiez la couleur et voilà, une particularité. Une particularité du slip. J'ai une question. Vous qui avez vu le slip, il est de quelle taille? Quoi? Il est de quelle taille le slip? Bah t'es con quoi? Mais quoi? Ouais, forcément. C'est une question hors sujet, c'est juste pour savoir. Tu connais Evan, ça peut pas être du XL. Enfin. Bah, si XL ou XXL, c'est quoi? Non mais si c'est mon slip, tu comprends que c'est forcément à ma taille, donc ça peut pas être un XXL. C'est quoi comme, comme taille? Je comprends pas ta question. Je me casse. Non! Il a enfin compris quoi. Alors, on nous propose un slip rouge sale. Non, ce n'est pas ça. Un slip rouge, Aurélie, non plus. Dans la boîte, c'est un slip jaune avec des boutons au niveau de l'entrejambe. Non, il n'y a pas de boutons, mais il y a une particularité au niveau de l'entrejambe, je suis d'accord. Il est noir et porte le numéro 10. Alors, oui, il est noir. Il est noir. Mais ne porte pas le numéro 10. Il n'y a pas de numéro dessus, mais il a une particularité entre les jambes. Slip usagé rouge, on a dit, avec des traces jaunes. Non, ce n'est pas ça. Un slip jaune avec un dessin de canard non plus. Slip de force jaune et marron derrière, ça c'est les inconnus. Couleur jaune, on oublie. Et slip Bob l'éponge, ce n'est pas ça. Donc vous continuez à jouer de cette manière pour essayer de remporter 100 euros ce matin dans la cagnotte. Vous envoyez le code Evan suivi de votre proposition. Et bien maintenant, on sait que c'est un slip qui appartient à Evan et qui est noir. Vous devez reprendre ces trois éléments suivis d'une particularité. Vous envoyez le tout au 6322. Dans un instant, les infos, la météo et le son de Martin Solveig avec Do It Right sur Fun. Et je vous préviens, avant la fin de l'émission, mon équipe me l'a demandé, on réécoutera des émissions de radio quand j'avais 17 ans. Ah. Ça va calmer. Hein. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Oskan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut Julie, allez viens monte. Salut. Oh, t'as acheté le nouveau TomTom? Ouais, c'est comme si j'avais ma route privée pour aller au travail. Ah oui? Ça fait quoi? Eh ben ça fait... Waouh, je m'étais pas sentie comme ça depuis les années 90. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Roulez malin et découvrez le sentiment TomTom chez Vandenborg. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Oh, les soldes, c'est top. Oh, elles sont trop beaux ces escarpins, sexy, mais pas vraiment pratique. Oh my god, ces sandales sont canons. Oui, mais avec mes orteils, c'est pas terrible. Ah, je sais, je vais prendre ces petites ballerines, comme ça il me reste des sous pour prendre les escarpins. Oh là là, j'espère qu'ils soldent aussi les armoires à chaussures. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça c'est sûr. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, non, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico ?

7h48 sur Fun Radio, c'est la dernière d'Evan et la tribu juste avant les vacances. Tout à l'heure à 9h05, 9h10, nous partons en vacances. On est en direct du club Bellambra, ici de Seignos dans le sud-ouest de la France. Donc c'était déjà un peu une émission en mode vacances. Et il y a dans la cagnotte du Kexkia. Oh, c'est difficile. Non mais c'est vrai, l'air est super sec et donc du coup, j'ai beaucoup de mal, comme s'il y avait de la poussière à parler. Le Kexkia dans la boîte de Jean-François et de Justine vaut 100€ actuellement. On rappelle ce que nous cherchons, Justine, on approche, on n'est pas loin. Eh bien, on sait que c'est un slip qui t'appartient, Evan, qui est noir, et on demande simplement une autre précision concernant ce slip. On va appeler ça une particularité. Comment jouer ? Alors, vous envoyez le code Evan, suivi de votre proposition. Vous envoyez le tout au 6322. Bonne chance à vous, il y a 100€ actuellement dans la cagnotte dans un instant. Et il y aura le son de Môme avec Allô, j'adore. Quel kiff. Yolande, je vais te demander de te rapprocher du micro, car tu m'as remis, avant que nous partions au club Bellambra de Seignos, une enveloppe bien pourrie, un emballage de crevard pour une bande de connards, c'est ce que tu as mis. Normalement, oui. Je devais le faire hors antenne, mais comme j'exploite toute situation pour mettre ça à l'antenne, je vais donc ouvrir cette enveloppe en live. Alors, on va essayer d'écouter. Et j'ai fait ça avec mes petites mains. Ah, plutôt tes grosses mains, t'es mignon. Alors, une petite attention, Yolande, je crains le pire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a des enveloppes. On va vous lire exactement ce que c'est pour cette dernière c'est de l'émission. Tu gardes tes factures pour toi, Yolande, hein, ce sont ces histoires. Alors, il y a une enveloppe pour moi, à l'attention de chieur Khalid du jambon. Ah. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour Justine. Et ça, c'est pour hashtag SP. Ça veut dire quoi, SP ? Bah, Sandro Péfa. Ah oui, Sandro. Officiel. Et toi, t'en as pas, Jean-François ? Mais non. Si. Non. Mais s'il en a. Oh, Jean-François, l'info, l'infotrafic et la météo. On va tous ouvrir notre petite enveloppe. Alors toi, tu m'as mis un petit cœur avec Raclette Forever. J'ouvre l'enveloppe. Ah, dans l'enveloppe, il y a encore une petite enveloppe. Et dans la petite enveloppe, il y a un mot. Attention, je pense qu'on va chialer. C'était privé. Alors, Yolande, elle me dit un grand merci. Non, mais je préfère partager avec les auditeurs. Okay. Evan, virgule. Belle écriture, Yolande. Je tenais juste à te remercier de m'avoir permis d'entrer à Fun et d'y rester. Là, je remercie le directeur d'antenne super humain et cool que tu as été. Merci aussi de m'avoir offert l'expérience unique du morning. Gros bisous, Yolande. Et pour me pécho, maintenant, c'est quand tu veux. Ok, bah écoute. Tu inventes, Evan, tu inventes. Non, c'est bien que tu m'aies mis ça. J'en suis vraiment, vraiment ravi. Petite musique de piano, merci beaucoup, mon Lloyd. Et en tout cas, Yolande, ça me touche vraiment énormément ce petit message que je vais garder précieusement dans mon bureau, sur ma commode, et je le lirai le matin quand je me lèverai. Alors, on va ensuite lire le message de Jean-François. Il va se mettre à chialer parce qu'il chiale tout le temps. Alors, vas-y. Laisse le piano. Le piano, ça va aider. Parce vas-y. Que, l'autre jour, on était à la soirée karaoké. Il lance Patrick Bruel avec on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et ben pépère, il est parti chialer. Lis ton truc sur le piano et fais de l'audience en chialant. Non, alors mon petit Jeff, pour moi cette année à bosser avec toi, c'était l'occasion de découvrir quelqu'un de courageux, bosseur, une grande gueule que je veux même pas tester et un cœur tellement grand, fieux, à chaque fois que tu t'es ému, tu m'as donné envie de pleurer. Mais je vais essayer de pas pleurer aujourd'hui, mais oh les larmes. Merci, vas-y, pleure. Oh, chiale, ça y est. Non. Ah oui, mon doudou. Doudou. Bon, Justine, lis ton petit mot toi. Ah bah elle t'a mis que deux lignes. Elle t'aime pas beaucoup. Hein. Moi, il y a écrit sponsorisé par Mons 2015, Smacks de Kellogg's, Ice Tea, Lotto, McDo, TPMP et toutes les licornes de l'univers. T'as oublié une ligne, fuck you. Et il y a des paillettes pour toi. Toi, t'as des petites paillettes. Ça y est, c'est officiel, Yolande commence à pleurer aussi. Ah ! Alors, il reste deux petits mots à lire. Celui de Khalid, c'est écrit en français ou en arabe ? Mais c'est écrit de droite à gauche. C'est malin, le français, ça marche pas comme ça, cocotte. Vas-y, alors lis-le. Mon petit Khalid, entre parenthèses, plus jeune égale petit. Qu'est-ce que t'en sais déjà ? Voici mon ode halal à ta superbitude. Et tu chantes pour les anniversaires. Et tu vannes, c'est ta façon d'aimer. La radio le morning, tu te lèves super tôt pour emmener le moral du public au plus haut. Elle a fait ça vraiment ? Ouais, je te jure, merci pour les positives vibes. Yo, PS, rends-moi mon fric. Sandro, allez le dernier, lis ton petit mot. Merci Yolande. Et tu chiales aussi. D'accord, alors Sandro, ça me fait plaisir de bosser avec toi après toutes ces années à se croiser de KF à Fun. Je te l'ai déjà dit, tes vannes sur antenne m'ont fait marrer et j'apprécie que tu sois si cool avec les auditeurs. Il faudrait juste que tu mûrisses encore un peu pour comprendre la puissance de mon humour. Ou d'autre chose, mon pote. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort Yolande. Bravo, ce petit mot que j'ai gardé avec moi. Ça fait plaisir. Nous, Yolande, c'est vrai qu'on t'a pas fait ici de petits mots, mais ça vient du cœur, en tout cas en ce qui me concerne. Formidable ouais. personne que tu es. Pas assez rapide à mon goût, mais quelqu'un de vraiment bien que j'ai vanné fortement sur sa couleur de peau, sur ses envies, etc. etc. Et donc un gros bisou à ma yo-yo. Il y a l'équipe de l'Happy Hour qui arrive avec le petit déj. Il y a trop d'amour dans cette pièce. C'est bon ça. On va envoyer le son de Môme avec Aloha et revenir dans quelques instants avec le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il y a 100€ à rafler. Je vous rappelle aussi qu'avant la fin de l'émission, à la demande de ma team, on réécoutera une séquence où je faisais de la radio lorsque j'avais 17 ans, et vous pourrez bien vous foutre de ma tronche. Voici l'un des sons que je surkiffe en ce moment, Môme avec Aloha sur Fun. Which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. The unknown. C'est la dernière des Vanilla Tribu avant les vacances officielles qui démarreront tout à l'heure à partir de 9h10. Il y a le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui nous occupe. Il y a quand même 100€ à rafler ce matin. On rappelle les principaux indices. Justine, on tourne autour du pot, plutôt autour du slip. Justine. Ouais, on sait que c'est un slip qui t'appartient, qui est noir. Et maintenant, on cherche juste une précision supplémentaire pour découvrir ce qu'il y a exactement sur ce slip. Alors, on nous dit oui, c'est un string noir. Non, c'est pas un string noir. C'est un boxeur noir, oui, mais il a une particularité. Un slip avec une trompe, non. Un slip de bain noir. Qu'est-ce qu'on a d'autres? Noir, jaune, rouge, c'est Lucas qui nous dit ça. Non, ce n'est pas le cas. D'autres messages, salut Evan, on était là au premier jour de la saison tout au long de l'année. Et ce dernier jour aussi, on sera là à la rentrée. Si vous revenez, c'est Roberto qui nous dit ça. Merci beaucoup mon Roberto. Non, ne pas entendre la voix de Justine pendant 2 mois, ça va être difficile. C'est Cédric qui nous dit ça. Mais rappelons que

quand vous vous réveillez, vous sentez quelque chose de tout dur dans votre dos? Pas d'inquiétude. C'est sûrement la télécommande de la télé que vous avez oubliée hier soir en vous endormant. Bon, après, si vous n'avez pas de télé, ça ne nous regarde pas. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Sur Fun Radio, c'est la dernière avant les vacances d'Evan et la tribu. Dans un instant, du son dance floor et de la déconne pour continuer. Évidemment, il nous reste à peu près une dizaine, douzaine, treize, quinze minutes à passer ensemble. Il y a toujours le petit déj gratos juste à côté de Herve ce matin, Justine. Ouais, on est à Haineux, vous allez chaussée de Wégimont au numéro 337. Et c'est la maison Gardier qui vous accueille et Vincent vous offre un panier garni. Il reste aussi le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte planqué par Justine et Jean-François. On rappelle que c'est un slip que Justine a gaulé dans ma valise. Alors on sait que le slip est noir, mais il a une particularité. À vous de trouver comment jouer, Justine. Vous envoyez le code Evan suivi de votre proposition et vous envoyez le tout au 6322. Tiens, je lis au hasard. Evan, il y a un petit personnage comique dessus. Non, mon nom est gravé dessus. Ce n'est pas le cas. Il y a un nounours dessus. Non plus. Il y a un ou plusieurs cœurs. Non. C'est un slip noir d'Evan Batman. Non, ce n'est pas le cas. Un slip noir Batman, Superman ou encore Deadpool. Non, ce n'est pas non plus ça. On aura, je l'espère, quelqu'un dans un instant pour 100€ ce matin dans la cagnotte. Rappelle comment jouer, Justine. Vous envoyez le code Evan, vous mettez votre proposition dans le message et vous envoyez le tout au 6322. C'est 1€ par message. Evan, ça s'écrit E-V-A-N. Alors, je vais demander à Nathalie de nous rejoindre. Elle est debout. Nathalie, c'est une des auditrices qui nous a accompagnés ici au club Bellambra de Seignos les Tuquets. Et alors, visiblement, Nathalie a une petite surprise pour nous. Alors, déjà qu'il y a eu des mots tout à l'heure de Yolande, que Jean-François il a chialé, alors il va encore se remettre à chialer parce qu'il chiale tout le temps celui-là. Mais on sera deux, je crois. Deux en plus, oh non, mais non, j'ai pas autant de Kleenex à vous offrir pour essuyer tout ça. Alors, on va te laisser lire le petit mot, Nathalie. Oui. Et puis ensuite, bah, si on n'est pas content, on partira, tout simplement. Je t'écoute, Nat. Mais en bref, Chris et moi, on avait donc bien effectivement un petit message. Donc une semaine de notre vie se termine et nous voulions vous dire merci. Ça commence. Oh, tout de chialer. Merci pour toi, cet énorme cadeau. Merci, merci pour votre bonne humeur. Et surtout de nous avoir pris, nous avoir pris comme tel. Articule. Ce fut une semaine formidable, comme si... voilà, je suis même perdue. Donc ce fut une semaine formidable pour laquelle de belles connaissances ont été faites. Et pour vous remercier, on voulait vous remettre ceci. C'est peut-être pas grand chose, mais à chaque fois que vous la regarderez, vous penserez à nous. Alors c'est quoi? À vous. Et à cette semaine magique. Et pour terminer, on voulait vous dire, vous êtes... Oh, c'est génial. Merci beaucoup. C'est génial. Je me suis promis que je verserai pas de larmes, je le ferai pas. Il y a marqué sur ce, alors c'est comme un tableau qui a été peint. Il y a marqué vous êtes tous des connards, merci. Et on va le mettre tout de suite sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Il est trop beau ce tableau. Moi j'ai bien une larme, elle est dans mon slip, c'est normal. Toujours la classe de Khalid jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a fait ça, Nathalie? C'est un peintre, c'est ça? Quel est votre prénom, monsieur? Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Bellambra? Non, je suis artiste peintre sur la côte atlantique. Très bien. Graffeur, je vous ai fait ça pour cet événement à la demande de Nathalie. Quel est votre prénom, monsieur? Stéphane Garnier. Et bien, Stéphane, voilà, on pourra vous trouver en tapant sur Google. En tout cas, félicitations, je pense que la première fois qu'on vous demande d'écrire ce Vous êtes des connards, c'est ça? C'est la première fois? Ouais, j'ai été assez surpris de la demande. Mais bon, en tant qu'artiste, je me soucie pas du client, je le fais quoi. En tout cas, chez nous, voilà, c'est vrai que dès qu'un connard, vous êtes tous des connards. Chez nous, c'est un compliment, le plus bon compliment qu'on ait eu depuis des années sur Fun, et même encore cette année, c'est de dire quand on croise les gens, vous êtes vraiment trop cons, et pour nous, c'est un vrai compliment. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Nathalie. Bravo. Merci également à Chris, à cet artiste, à ce petit. Voilà, mettez la photo si possible très rapidement sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu pour qu'on puisse partager. Vous êtes tous des connards. Merci infiniment. Dans un instant, Rochelle pour le son Dance Floor sur Fun Radio. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et je l'ai promis à mon équipe puisqu'ils me l'ont demandé. Ils veulent se foutre absolument de ma tronche ce matin. On réécoutera une émission de radio quand j'avais 17 ans. C'était en 1991. Il est 9h. Fun Radio. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio et bon début de journée. Il est 9h01, toute l'actualité ce vendredi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les festivaliers sont nombreux à fustiger l'organisation de Rockwerther sur les réseaux sociaux. En cause, les files interminables pour atteindre les parkings qui leur ont fait rater l'ouverture du festival et le manque de communication concernant les places de camping restantes. Il reste encore des places de camping même si certains campings sont restés fermés en raison des intempéries. Les festivaliers qui ne logent pas sur place sont invités à laisser leur voiture sur le parking C du Ezel ou à proximité de la sortie As Road pour prendre les transports en commun. La société Delaine a ainsi déjà transporté 1800 festivaliers depuis ses deux points de ralliement et de plus de 22 500 depuis la gare de Louvain. Les personnes condamnées à des peines de prison de moins de 3 ans vont voir s'accélérer leur libération provisoire, selon une circulaire du ministre de la Justice, Hun Hins, qui entre en application aujourd'hui. Le ministre de la Justice justifie cette mesure de faveur par le climat pénitentiaire actuel et se dit contraint d'agir de la sorte afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des prisons. Le déficit de la sécurité sociale est passé à 748 millions d'euros, soit 229 millions de plus que ce qui avait été envisagé lors du contrôle budgétaire du mois d'avril. Ces chiffres figurent dans un rapport du comité de gestion de la sécurité sociale. Les cotisations sociales et le financement alternatif à travers la revenu d'impôt rapportent moins que ce qui avait été prévu.

Il est 9h08 sur Fun Radio, c'est la dernière juste avant de partir en vacances avec du son dance floor, la déconne, et pour la dernière fois le générique. Allez, on y va! De 6h à 9h, une bande de déconneurs. C'est sur Fun Radio. Et ça fait si on trop du bien avant le boulot, des années la tri. Oh, pardon. C'est sur Fun Radio. Une bande de déconneurs. C'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien avant le boulot. C'est la dernière avant les vacances sur Fun Radio. Et nous cherchons ce matin ce qu'il y a dans la boîte pour 100 euros. Un rappel des principaux indices, Justine, pour gagner du pognon. On sait que c'est un slip noir qui t'appartient et il a une particularité, laquelle? Oh oui, quelle particularité. Et en plus, on en a parlé en début de semaine. Il faut savoir que Justine a gaulé mes sous-vêtements dans ma valise puisque nous partageons le même appartement. Elle est allée fouiller, elle a trouvé d'autres trucs, mais bon, nous n'allons pas en parler. Non. C'est beaucoup trop tôt. On a qui, Yolande, pour jouer avec nous, s'il te plaît? On a Brigitte avec nous. Bonjour ma Brigitte. Bonjour Evan et bonjour la tribu. Toute la tribu te dit bonjour. Bonjour. Alors Brigitte, t'es dans ta voiture, visiblement le son est pourri. Tu proposes quoi dans le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aujourd'hui pour 100 euros avant de partir en vacances? Ils seront pour toi, sinon on les garde pour nous. Donc c'est ton slip noir avec un trou. Donc tu as pensé que c'était mon slip noir avec un trou, visiblement ça te rend toute chose parce que tu as crié. Est-ce que c'est Jean-François, notre arbitre du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, la bonne réponse? Eh bien pour toi c'est goal parce que c'est la bonne réponse. On applaudit. En tout cas ça lui fait plaisir à Brigitte hein. 100 euros pour toi qui seront directement. Oh bah dis donc. Elle, elle a déjà vu les diables en train de gagner ce soir. Hein. C'est pour ça. Allez, 100 euros pour toi. Répondant de moi, vous avez appelé à revenir au matin de parce que moi, tous les jours, je fais 140 km et je vous assure, j'ai vraiment besoin d'avoir un contre écoute. Voilà. Merci, j'ai l'impression que je me suis fait engueuler sur ce coup-là. Hein. Je te fais des gros bisous, ma Brigitte. Oh, gros bisous, gros bisous. Ne raccroche pas, je t'embrasse très fort. Khalid, des messages. Il y a Fabrizio qui a bossé toute la nuit, a dormi 2 heures seulement pour nous demander de souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille Tatiana qui fête ses 8 ans. Joyeux anniversaire Tatiana. Ouais, ouais. Alors, on devait appeler la fille de Nathalie, notre auditrice, mais malheureusement, on va être un petit peu short en ce qui concerne l'émission. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. On va d'abord rappeler le petit-déj gratos. C'est le dernier petit-déj de la saison. Vous allez pouvoir aller du côté de Herve ce matin jusqu'à 10h pour vous faire payer le petit-déj gratos. Nous sommes à Haineux. Vous allez chausser de Wégimont, numéro 337. C'est la maison Gardier. Et Vincent vous offre un panier garni par personne. L'adresse est sur le Facebook de l'émission, Evan et la tribu. Alors, on a beaucoup de remerciements à faire pour cette dernière. Alors, il y a c'est des gens en vrac, hein. On va remercier Monsieur Milan, notre auteur, Fabien Feyèche, alias Fabien Delettre, JB, Benoît, Salima, nos stagiaires, Billy, Farah, Manolia, Hélène, Benjamin, Jean-Michel. Jean-Michel Technique également, on y a pensé, Seb, 92 Easy, il y a Kamal, Kamal, même si on savait pas pourquoi il venait à la radio, Julien, Billy. Les différents Réa, Oli, Lloyd, Jean-Philippe Technique, toujours au taquet, Natacha, Joanie et sa famille, la famille de la Nef, Dominique pour le barbecue, les boulangeries, toutes les boulangeries qui vous ont offert le petit-déj gratos, Papy Michel, Cécile de la Minute VIP, la Tania, Oscar et Lélé, l'équipe de la Libre Antenne, l'Happy Hour, Mike Open Space et tous les animateurs de Flux qui parlaient de l'émission tous les jours, Nacho également à la production, David Demaze, et puis pour les meilleurs moments, on a pensé aussi à tous les anniversaires. Voilà, je voudrais un grand applaudissement à toute l'équipe qui a fait cette émission pendant toute la saison. Alors Justine puis Khalid. Oui, moi j'ai un petit mot à rajouter là, si qu'on s'émotion. Bah, c'était ma première saison en radio. Alors je sais pas si ça se fait, mais je voulais dire merci à Gary Moonen qui est chez Contact parce que c'est grâce à lui que je suis là. Le traître. C'est gars connard en plus. Non mais c'est sérieux, voilà, je pleure. Je sais pas si c'est le surplus d'alcool ou quoi, mais. T'as rien bu. Pour fêter ton diplôme. Mais merci. Et merci à Lloyd aussi parce que c'est avec lui que j'ai commencé. À coucher. Oui. Non mais je vous aime tous et merci pour cette année, franchement. Merci. Oh, ma Juju. Fais-lui un gros câlin et n'en profite pas, Sœur Khalid du Jorbeau. Alors, il y a pas mal de larmes parce que évidemment, bah, vous savez, on dort pas beaucoup. Une saison de morning, c'est assez épuisant pour tout le monde. On va partir en vacances. Alors, il y a quand même 2-3 trucs qui vont nous faire marrer. D'abord, on va écouter la chanson du matin, Taré comme jamais. Et puis, Justine, Khalid, il y a du gros dossier puisque vous m'aviez demandé à un moment de ressortir des émissions de radio lorsque j'étais tout petit. Alors, j'ai commencé la radio à 12-13 ans. J'ai pas retrouvé d'ici là parce que les cassettes, je pense qu'elles n'existent même plus. Par contre, j'ai retrouvé une séquence quand j'avais 17 ans. Vous êtes prêts à écouter ma voix de merde à l'époque et la façon dont j'animais? Et je suis sûr que c'est pas du mytho. Lloyd, est-ce qu'on a ça en réserve au niveau de la technique? On a ça, tout est prêt. Alors attention, je vous laisse découvrir. Vous allez bien pouvoir vous foutre de ma gueule. C'était en 1991. J'avais donc 17 ans. C'était le 31 décembre 1991. Et vous allez l'entendre. Je souhaite une bonne année 92. Et je parle même à l'époque de Patrick Bruel. On écoute cette séquence. Allez-y, top, c'est parti. Le son est pourri, c'était une cassette. Mystère total avec l'album Waitum de KLF qui était d'ailleurs sorti fin 90, mais c'est un disque qui a pris toute sa saveur, notez-le, en 1991 à coup de tube remixé, un disque qui annonce une nouvelle génération post-Pet Shop Boys, si j'ose dire, avec des musiciens encore plus mystérieux qui captivent les foules, à coup de morceaux mi-techno, mi-house qui se laissent déguster comme la bande originale d'un film très groovy. Vous venez à de découvrir ce qu'était réellement KLF, pour certains c'est peut-être la première fois que vous écoutez ça. Pour d'autres, c'est peut-être les tubes que vous aimez et que vous adorez. Mais en tout cas... Voilà, Lloyd, on va arrêter la catastrophe. Donc ça, c'était en 1991. J'avais 17 ans et effectivement, on reconnaît pas ma voix parce qu'à l'époque, je la pousse comme un enfoiré, quoi. C'est-à-dire que genre, je fais comme un DJ. Je t'avais reconnu tout de suite parce que tu dis toujours autant de conneries. Non. Et à l'époque, j'écrivais mes textes, on entend que tout est écrit, etc. Et c'est vraiment très nul, je me serais jamais auto-embauché à l'époque. Par contre, en 92, c'est une révélation parce que t'as enfin compris qu'il faut sortir le micro de ton anus. Merci, Khalid. Oh. Alors, un tout petit peu plus tard, et c'est la dernière séquence, donc c'est en 1996. Donc je suis un tout petit peu plus vieux. Et là, effectivement, j'ai changé de ton et c'est sur une radio qui s'appelle Voltage à Paris, et c'est là où je fais mes débuts sur une grosse radio. On écoute l'extrait, Lloyd, si on l'a en technique. Voltage 96.9 Paris Île-de-France. Oh, quelle est belle cette chanson et quelle elle se retient bien. Oui, c'est ça, c'est surtout ça qu'on voit un tube. Voyez-vous, Ultimate Chaos avec Casanova. Bon, cette semaine, si vous avez envie de gagner des cadeaux sur le 3615 Voltage, vous pouvez partir à la rencontre du film Alien La Résurrection. Sigourney Weaver. L'horloge spatiale, voyez-vous, les stylos aliens ainsi que les lunettes de l'espace. C'est un peu moderne tout ça. Donc, pour gagner tous ces cadeaux, Minitel, n'oubliez pas 3615, code Voltage. À suivre, Daft Punk Around the World sur Voltage. 9h13, Tage. Alors voilà, on va stopper maintenant. Tu entends, à l'époque, il y a le Minitel qui existe, 3615, et je parle d'Alien la Résurrection. En tout cas, c'était il y a 30 ans, ils avaient des meilleurs cadeaux qu'actuellement. Le stylo Alien, les lunettes de l'espace. Et voilà pour les extraits que vous vouliez absolument avoir. 9h15, on va se quitter en envoyant la chanson du matin, Taré comme jamais, en vous souhaitant de bonnes vacances. Profitez bien les doudous, reposez-vous bien, profitez de la vie, c'est super important. Et on se retrouve très bientôt, n'oubliez pas qu'on se voit sur toutes les soirées Fun Radio de l'été, et vous nous suivrez sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. On envoie le son Taré comme jamais et on se retrouve très bientôt les doudous. Passez toutes et tous de bonnes vacances, à bientôt. Ouais, très bien. Je vous kiffe. 5h du mat, le réveil sonne tôt et dès 6h on est dans le studio mal réveillé derrière notre micro, un café sans sucre en avant, let's go. C'est la Tribu dans l'autoradio jusqu'à 9h, bonjour les abdos. Dans les bouchons c'est plus rigolo, tu demandes c'est qui, oui tous ces barjots. De matin en matin, de la couette à la salle de bain. De matin en matin, de bonne heure, oui ça fait du bien. De matin en matin, les rondelles vont te mettre bien. De matin en matin, la Tribu, oui ça fait du bien. Passe avant 9h. Oui, parce qu'après on est plus à l'antenne. On va te payer le petit déj. Du son dance floor, de la déconne, c'est sur Fun Radio pour les leftos et pour te réveiller. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pyjama tout nu, Evan et la Tribu t'accueille les bras tendus. Dis-je offert à l'antenne, te voilà prévu. Poisson, café, gratos, on va t'engraisser. Bonne radio en route pour aller bosser. rondelle dans la caisse, banane assurée. Vocalisé, même si tu viens d'être verbalisé. Zygomatique sollicité, problème perso désactivé. Pareil comme Jaja, jamais. Bienvenue peu importe tu viens d'où. Jamiou, Bressou, Bodourou, même Maretsu. La concurrence on l'apprécie. Se moquer de nous-mêmes, toujours un prétexte. C'est vanille, tributaire sans complexe. Got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause security. I'm mean, not just talk for mine, yo. Me alone, I give you the remedy, then set you free. Some boy just want for hide, yo. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready for make you sweating. Ties them, I'm checking. Legs them, I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. Got me, I can't ignore. It's me and you forever. Jack and stay. I'm here to run the tables. Oh, how dare you call my bluff?